la parole à Davidé, d'autant que il m'avait dit qu'il reprendrait peut-être un peu au départ certaines choses. Enfin, ouais, en gros, ça va revenir quand même un petit peu des éléments qui sont sortis dans la dernière séance. Ouais. Et bon, voilà, tout simplement. Je termine, et sinon, c'est juste pour dire que tu reprenais un peu les éléments évoqués par Marion, et je te donne tout de suite la parole. Je vous présente quand même. Donc, Davidé Gallo-Lacéré, donc docteur en philosophie au Sophia Paul. Donc, chercheur maintenant rattaché au Sophia Paul. Et Martin Joshoum, c'est comme ça qu'on dit ? Tu le dis comme tu veux. D'accord, bon, bah, écoute, dis comme c'est ça. C'est franchement libéral. Doctorant en sociologie, rattaché au Sophia Paul. Et puis Laurent Barognan va arriver. Il est chercheur en économie aussi rattaché au Sophia Paul. Et donc, ils vont parler de l'utopie monétaire et de ses limites. C'est le titre de leur intervention. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que la prochaine séance aura lieu le 7 mars, le lundi 7 mars à 14h. Et là, il y aura deux groupes, en fait. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on faisait une séance jusqu'à 16h30. On s'arrêterait à 16h30. Comme il y a trois intervenants pour laisser... en gros, on a déjà un peu de retard, et je m'excuse d'avoir été un peu en retard, mais pour laisser une heure de discussion, si voilà, on peut se donner jusqu'à 15h30 pour l'exposer, comme ça on peut conserver une heure de discussion, comme on a commencé un peu en retard, si ça déborde de 5 minutes, c'est pas grave. Et donc on aura deux groupes d'intervention le 7 mars, donc on a prévu une séance de 3 heures, ce sera la plus longue. Il y aura Maxime Mécréant et Marc-Antoine Pancollet qui sont ici et qui parleront des utopies numériques. Et puis il y aura un deuxième groupe ensuite sur les utopies écologiques avec Paul Guilibert qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, et Léa était ici, j'ai oublié son Léa Hainaut. Voilà, je vous donne tout de suite juste un mot pour excuser donc Philippe Courbessy, qui tenait à venir ici, mais qui a un colloque à Genève. Stéphane Habert, qui coanime l'atelier, mais comme avec d'autres, comme Alexis Bouquier et d'autres, ils sont pris par des tâches urgentes à la veille de dépôt de thèse. Donc ils sont dans des activités de relecture. Voilà, et je devrais vous quitter maximum 16 heures. Hein. Donc, voilà, je partirai. Parfait. Et parfait, ouais. Pour ce qui est de la clé, elle est là, elle est Davidée, c'est où, okay. Où la remettre. Ok, parfait. Salut Pierre Roy. On va tout de suite donner la parole à Davidée pour commencer. Ouais. Malgré le fait que la thématique des monnaies complémentaires se prête à être abordée, de manière transdisciplinaire, où on a essayé de mettre en place une petite division du travail intellectuel interne, c'est-à-dire que moi j'aborderai la question principalement d'un point de vue philosophico-politique, ensuite Martin, à partir de son expérience de terrain, des débats nés au sein de l'histoire de la pensée sociologique, nous parlera des principes et des fonctionnements des selles et des monnaies complémentaires, et ensuite Laurent, à partir d'une perspective plutôt de théorie monétaire, nous parlera de petites et grandes circulations chez Marx et Keynes, pour faire ensuite le point sur le rapport interministériel du gouvernement français sur les monnaies complémentaires. Moi, j'aimerais partir d'une citation de Tronti. Dans une contribution récente, qui apparaîtra dans les semaines à venir sur le site de Vacarme, Mario Tronti dispense un conseil important à qui veut s'opposer à ce qu'il nomme de façon provocatrice une dictature démocratique du présent. Un présent, précise-t-il, qui veut dominer le passé, qui s'est conquis même le passé. Ce conseil, qui peut représenter une excellente porte d'entrée pour aborder la question de l'utopie monétaire et de ses limites, a affaire à la redécouverte de l'histoire bicentenaire du mouvement ouvrier. Cette histoire, qui est riche d'expériences encore fondamentales aujourd'hui pour qui veut organiser des voies de sortie des impasses actuelles, gravite principalement autour de deux faux. D'un côté, les pratiques mutualistes et coopératives, De l'autre, les luttes et la conflictualité sociale. C'est en articulant ces deux piliers du mouvement ouvrier qui se sont constitués, d'après Tronti, les syndicats et les partis de masse qui ont tenté l'histoire du 19e et du 20e siècle, en arrivant à se faire état et à devenir des puissances géoéconomiques et géopolitiques. Or, sans entrer dans les détails sur l'actualité ou l'inactualité de la forme parti et de la forme syndicat traditionnelle ou des métamorphoses les plus récentes de l'État, ces deux pôles de la coopération et du conflit ne s'opposent pas l'un l'autre. Ils sont plutôt dans une relation d'influence réciproque. En effet, d'un côté, c'est aussi au sein des organisations solidaires et d'entraide qui s'est forgée la conscience de classe, et de l'autre, c'est pour réussir à tenir bon lors des grèves concernant les augmentations salariales, la réduction du temps ou l'amélioration des conditions de travail, qui ont été mises en place des formes d'association et de partage de différentes natures. Selon Tronti, un des legs décisifs du mouvement ouvrier, que certaines monnaies complémentaires tentent à leur tour de faire revivre, consiste donc dans cette capacité à conjuguer résistance et alternative, en nouant l'exode plus ou moins partiel des rapports sociaux capitalistes avec la production positive de nouvelles formes d'organisation de la vie sociale et subjective. C'est donc à partir d'une perspective éminemment politique, je souligne ça, que j'aimerais bien affronter la question des monnaies complémentaires. Car, vous le savez bien, il existe désormais une ample variété de monnaies complémentaires. Il y a eu, dans les dernières années, un véritable déferlement d'expériences de ce type, plus ou moins radicales dans leur contenu qualitatif et plus ou moins consistantes d'un point de vue quantitatif. On comptait en 2005 à peu près 5000 monnaies complémentaires à l'échelle mondiale. On en compte environ 13 000 à l'heure actuelle. On va à des micro-sociétés conviviales qui se réunissent autour d'une monnaie alternative qui n'ont presque aucun impact économique, mais qui présentent néanmoins beaucoup d'intérêt sous d'autres points de vue, à des initiatives comme celle du VIR suisse ou du Sardex en Sardaigne, qui médiatisent des échanges annuels équivalents à un montant de 1,7 milliard de francs suisses pour le VIR et de 50 millions d'euros pour le Sardex. Dans tous les cas, il s'agit de monnaies, comme leur nom l'indique, qui circulent en parallèle sur un territoire donné, un quartier, une ville, une région, par rapport aux devises courantes, aux devises nationales ou transnationales comme l'euro. Ces monnaies ne visent donc pas à se substituer aux devises courantes, mais à s'intégrer à leur circuit, en articulant la dimension locale d'un contexte, d'un territoire spécifique, à son ouverture sur la scène nationale et internationale. Par-delà les différences, non sous-estimables, sur lesquelles on pourra revenir lors du débat, ces monnaies contribuent à renforcer le tissu socio-économique local, à dynamiser les échanges et à promouvoir les réalités du monde coopératif et associationniste. Elles peuvent donc se configurer comme une arme importante pour contraster les effets antisociaux de la crise. Et à cet égard, que cela nous plaise ou pas, et à nouveau on peut y retourner lors du débat, il peut résulter déterminant le rôle des institutions publiques, non seulement en tant que garant ou vecteur de confiance, chose toujours importante quand on parle de monnaie, mais aussi en tant que propulseur actif de ces expériences. Mais elles peuvent aussi, les monnaies complémentaires, se configurer comme un catalyseur de transformation sociale et de subjectivation politique. Ce sont ces deux derniers points, vous l'aurez désormais compris, qui m'intéressent davantage. Plus globalement, je crois que l'on puisse dire la chose suivante. Le mutualisme, l'entraide, les associations, les coopératives de consommation, de travail, de logement, de crédit, ainsi que les diverses propositions qui se condensent dans les réseaux de l'économie sociale ou solidaire, ou encore les tentatives de reconstruction d'un welfare par en bas, santé, éducation, droits fondamentaux, dans les contextes de plus en plus frappés par la recrudescence de la violence sociale, n'impliquent pas, d'un point de vue strictement économique, une sortie du capitalisme. Ils fournissent plutôt des ressources matérielles, des ressources affectives importantes pour améliorer tout de suite la qualité de la vie, lesquelles permettent de reconquérir une autonomie partielle dans les relations interpersonnelles et dans les rythmes et les lieux d'existence. De cela découle, comme on l'a déjà vu aussi la dernière fois, l'ambiguïté spécifique qui caractérise ces expériences. Si d'un côté, elles remplissent une fonction systémique, pour ainsi dire, réformatrice, de l'autre, elles représentent aussi des éléments de rupture dans la chaîne de la reproduction de l'existant. Ce discours, hein, qui vaut aussi, entre autres, pour le revenu social garanti, s'applique très bien aux monnaies complémentaires. En ce qui concerne la première possibilité, celle d'un réformissement, le point CDIR, ces initiatives répondent de deux manières complémentaires à la rationalité capitaliste. Soit elle apaise la conflictualité sociale en restituant de la forme, de la substance à l'effritement des démocraties libérales, des nouvelles marges d'autodétermination et des socles de revenus, soit elle met en place des processus d'échange, des processus de production moins rudes qui peuvent ensuite être subsumés et valorisés dans les circuits capitalistes. Pour ce qui est de la seconde possibilité, par contre, celle de la rupture ou d'un réformisme radical et expansif, ces expériences peuvent enclencher d'importants processus d'autoreconnaissance et de recomposition des subjectivités. Elles peuvent propager des habitudes, des passions et des imaginaires critiques qui apparaissent cruciaux pour la formation d'une prise de conscience indépendante. C'est d'ailleurs ce dernier point qui constitue probablement l'enseignement le plus précieux, je crois, que l'on peut tirer aussi de l'historiographie du socialisme pratique. Avant de nous rapprocher ultérieurement de la question qui nous rassemble ici aujourd'hui, en tant que lecteurs, nous tous, je l'espère bien, de Marx, il faut récapituler de manière schématique quelques motifs saillants. Si on prend la formule générale du capital, argent, marchandise, argent prime, on remarque d'emblée que l'argent y apparaît à deux reprises, au début et à la fin. La monnaie est en effet et à la fois une des conditions de possibilité du processus d'ensemble de la production capitaliste, son point de départ, le A, et aussi ce à quoi il aboutit inévitablement, ce qui cristallise de façon provisoire les circuits de la reproduction élargie du capital, le A'. Pour ce qui est de la logique du capital, trois conséquences au moins en dérivent, deux en amont et une en aval. Cela implique, en premier lieu, que la détermination de ce que l'on produit, en quelle quantité, par qui, dans quelles conditions et en vue de quelle finalité, revient au détenteur de monnaie-crédit. C'est la fonction de crédit de la monnaie qui commande la production, le A. Et cela implique aussi, en second lieu, pour qui n'a aucun accès immédiat à la monnaie, l'obligation de marchandiser sa force de travail, le M, afin de se procurer les moyens d'échange, les moyens de paiement nécessaires pour vivre et se reproduire. Mais cela implique aussi, en aval, l'établissement d'une forme de monnaie qui soit cumulable à l'infini, d'une réserve absolue de valeur, c'est-à-dire l'institution d'une forme de monnaie purement abstraite et durable indéfiniment, dépourvue de toute limitation temporelle, spatiale ou sociale. C'est la liquidité absolue comme forme la plus pure de monnaie capitaliste, le A'. Or, la soustraction à ces formes de contraintes monétaires, c'est celle-ci, je crois, la déterminante politique primaire de la monnaie en régime capitaliste, comme forme de domination. La soustraction à ces formes de contraintes monétaires ouvre au moins deux champs de bataille qui, de plus en plus, sont en train d'être investis par des subjectivités différentes, des subjectivités qui s'engagent dans la construction d'une temporalité et d'une spatialité plus ou moins autonome à travers des usages potentiellement non capitalistes de l'argent. En ce qui concerne la temporalité, il faut se focaliser sur deux expérimentations. Les circuits de crédit mutuel, capables de contourner les circuits traditionnellement capitalistes, bancaires et boursiers du crédit, en créant des formes indépendantes de financement de l'investissement, c'est-à-dire des formes d'entraide dans l'anticipation monétaire, et deux, le revenu social garanti, à savoir l'assignation de moyens d'échange et de paiement à tout un chacun, indépendamment de qui il est ou de ce qu'il fait, comme libération du temps de travail. Pour ce qui est de la spatialité, par contre, il faut se concentrer sur les monnaies complémentaires, sur les crypto-monnaies, en tant que tentative de reconfigurer l'espace des échanges communautaires, tant au niveau géographique, en s'ancrant dans une territorialité spécifique, qu'au niveau virtuel, dans Internet. Et c'est bien évidemment sur ces dernières expérimentations que nous allons nous focaliser. Enfin, donc, de quoi s'agit-il quand on parle de monnaie complémentaire et comment fonctionne-t-elle concrètement ? Je ne vais pas m'étaler là-dessous, ils reviendront aussi chacun à sa manière, Martin et Laurent, mais je vais quand même vous dire deux, trois choses là-dessous. La première concerne les limitations. La liquidité absolue de la monnaie, un régime capitaliste qui permet d'échanger en gros n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, est due au fait que sa validité, comme je le dis, en gros, ne rencontre aucune limitation temporelle, spatiale ou sociale. Hein. En revanche, les monnaies complémentaires s'instituent en imposant des limitations à la validité de la monnaie. Ces limitations, bien évidemment, sont établies par les sujets, par les subjectivités qui participent au processus instituant. Donc, experts, entrepreneurs, commerçants et artisans pour le vire et le sardex, experts, représentants du monde social, économique et politique, fonctionnaires de l'administration publique, de l'administration municipale dans plusieurs villes ou régions, activistes, citoyens et membres du troisième secteur dans des projets auto-organisés, etc. etc. Or, ces limitations concernent en premier lieu l'espace. Hein? Les monnaies complémentaires sont un outil de résilience hein, à même d'absorber les contre-coups des fluctuations de l'économie nationale et internationale, justement parce qu'elles ne sont valides qu'à un certain niveau géographique, hein, le quartier, la ville, la région, etc. C'est cette limitation spatiale qui permet de serrer les rangs, de reconstituer et ou de renforcer les liens entre une pluralité de sujets présents dans un territoire, en mettant le plus possible aux marges la grande distribution, les multinationales et l'intermédiation bancaire et financière. En deuxième lieu, les limitations sociales. Elles peuvent viser l'interdiction d'échanger certains services et produits qui ne répondent pas aux critères socio-écologiques en lien avec les idéaux auxquels la monnaie donne corps, comme dans les projets les plus connotés politiquement, ou comme avec l'EUSCO, hein, par exemple. C'est la monnaie complémentaire qui circule au Pays Basque français, qui est une des monnaies entre les plus grandes partailles sur le continent européen, malgré le fait qu'elle manifeste des caractéristiques solidaires et écologiques particulièrement marquées. Mais les limitations sociales peuvent aussi avoir affaire à ce qu'on pourrait appeler, et ça c'est un point vraiment crucial, la convertibilité conditionnée. Hein? Normalement, la presque totalité des monnaies complémentaires s'échange à un taux de 1 à 1 avec les devises courantes, hein, pour simplicité. C'est-à-dire que pour acheter 10 unités de monnaie complémentaire, ils sont nécessaires 10 euros. Or, dans beaucoup de cas, la démarche contraire, hein, est soumise à des prélèvements qui peuvent varier en fonction des principes qui animent le circuit complémentaire. Dans certaines circonstances, cette opération inverse est même interdite. Pourquoi ces prélèvements ? Tout d'abord, pour des raisons de stabilité du système, pour empêcher qu'il devienne l'objet de vagues de micro-spéculation, hein, puisque la monnaie complémentaire est censée avoir plusieurs virtuosités. Hein. On entre en possession afin de l'utiliser, et non pour en acquérir des grandes quantités quand cela est convenant, et de les céder ensuite quand cela n'est plus pratique, hein, en causant des pénuries ou des excès de monnaie. Hein. C'est exactement, mutatis mutandis, ce qui est arrivé au Bitcoin entre la fin de l'été et l'automne 2013, quand son prix s'est envolé jusqu'à atteindre les 1000 dollars la pièce pour retomber après autour de quelques centaines d'euros. Mais ces prélèvements, toutefois, n'ont pas exclusivement affaire à l'équilibre du système, mais aussi au principe même du solidarisme mutualiste. Si c'est grâce au circuit complémentaire qu'on a cumulé des crédits dont autrement on ne serait jamais entré en possession, alors il faut soit les dépenser à l'intérieur du circuit, soit contribuer à sa reproduction en payant un petit impôt dès qu'on veut convertir ces crédits en devises courantes. Et cet impôt peut, un, servir à soutenir les frais de gestion du système, et surtout, deux, hein, ce sont les cas les plus intéressants, il peut être redistribué au troisième secteur, qui fera ainsi fonction de dépenseur en dernière instance. En troisième lieu, les limitations temporelles. Certaines monnaies complémentaires, hein, celles qui manifestent un caractère plus ouvertement social, imposent une perte de valeur à la monnaie au fil du temps afin de combattre la thésaurisation et d'accélérer la vitesse de circulation de la monnaie. Je vous fais un exemple, le Chiemgauer, qui circule depuis une dizaine d'années en Bavière et qui est à nouveau une des plus grandes monnaies complémentaires par taille en Europe. Le fonctionnement de cette monnaie repose, hein, sur des principes de démocratie directe qui permettent aux différents affiliés de prendre part activement au gouvernement de la monnaie. Et le statut de cette monnaie régionale, voilà, prévoit l'institution de plusieurs clauses décisives. En premier lieu, si la conversion de l'euro en Chiemgauer s'effectue à un taux d'échange de 1 à 1, l'opération inverse est soumise à une cotisation de 5%, dont 60% est transférée aux associations, hein, lesquelles auront l'obligation de la d'utiliser cette monnaie à l'intérieur du circuit complémentaire. Et en second lieu, la validité du Chingawa n'est pas infinie dans le temps. C'est que les billets perdent une partie de leur valeur au bout des 3 mois, tandis que les Chingawa électroniques reçoivent une impulsion de rotation, hein, l'appel qu'on sert, Umlauf Impulse, de 0,02% par jour, soit de 7,3% chaque année, s'ils restent dormants sur les comptes pendant une période supérieure à 3 mois. C'est donc voilà, à travers l'institution de toute une série de limitations, hein, qui répondent aux exigences et aux instances des subjectivités qui prennent part activement à ces expériences, que les monnaies complémentaires mettent en place des pratiques de désassujettissement, de définanciarisation et de démocratisation formelle et substantielle de l'économique. Toutefois, il faut être clair là-dessous, les monnaies complémentaires ne constituent absolument pas un outil homogène et unitaire quant aux retombées socio-économiques et quant aux revendications politiques. Hein, voilà pourquoi, depuis quelques années, une multiplicité très variée de sujets est en train de regarder toujours de plus proche à ces initiatives. Ce que je vous proposerai dans les 15 minutes voilà, qu'il me reste, même une douzaine, est donc un petit panoramique des potentialités et des intérêts perçus dans ces pratiques monétaires par 1. L'Union européenne, 2. Les administrations publiques, 3. Les petites et moyennes entreprises, 4. Les autres entrepreneurs, 5. Les autres producteurs du secteur de l'agroalimentaire, les consommateurs et enfin les mouvements sociaux. Hein, mais je vais m'étaler que sur le premier point, hein, l'Union européenne et les mouvements sociaux. Alors, ce n'est pas un hasard si l'Europe constitue un des laboratoires entre les plus intéressants en ce qui concerne ces expérimentations monétaires. Parce que, vous le savez bien, hein, ce qui caractérise le continent européen d'un point de vue monétaire est l'existence d'une seule et unique monnaie, hein, l'euro. Or, au sein de l'Union européenne, plus qu'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, se sont accentués les déséquilibres et les inégalités. Cela a bien évidemment certainement à faire voilà, à la crise économique généralisée de 2008, mais cela a aussi beaucoup à faire à l'architecture hein, institutionnelle de l'Union européenne et surtout à ses assises monétaires. Alors, sans surévaluer les effets de la monnaie, il constitue de toute façon hein, une assumption largement partagée dans la théorie monétaire qu'une seule et unique monnaie dans une zone économiquement et socialement très différenciée, hein, comme l'Union européenne, avec ses périphéries orientales et méridionales et son centre, crée des fortes divergences dans les taux d'endettement des ménages, dans les taux d'endettement des entreprises, dans la productivité du travail, etc., etc. Bref, dans ce que les économistes nomment les fondamentaux. Hein, à moins que hein, cette monnaie ne soit pas soutenue par un solide appareil institutionnel. Un budget communautaire, des investissements ciblés, des redistributions des régions les plus riches vers celles les plus en difficulté, etc. Or, l'Union européenne a un marché unique, elle a une monnaie unique, mais elle ne dispose d'aucune politique commune lointainement comparable à celle d'une entité étatique fédérale digne de ce nom. Cela comporte que, en pleine crise, s'écroulent les asymétries et les divergences entre les différentes zones du continent. Puisqu'à Bruxelles, hein, on l'a vu au plus tard cet été, les oligarchies dominantes n'ont aucune intention de faire passer des politiques économiques et des politiques monétaires légèrement différentes de celles chères aux dogmes néolibéraux, les monnaies complémentaires hein, peuvent représenter un outil à même d'étayer ces failles et d'éviter que le château de papier de l'euro tel qu'il est aujourd'hui s'effondre sans pour cela devoir y apporter la moindre modification structurelle. Hein, techniquement impossible, même politiquement assez difficile. Donc moi je crois que c'est pour ça qu'il y a l'Union européenne qui met en place beaucoup de projets, d'études, d'initiatives pour aider la diffusion des monnaies. Deuxième lieu, les administrations publiques, quant à elles, s'intéressent à ces projets pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme le dit hein, mon copain Laurent, qui a forgé cette belle expression, car il s'agit de solutions micro-keynésiennes, hein, à même de stimuler la demande effective, de piloter les investissements, de redistribuer les revenus, produire un effet multiplicateur et de décourager la thésaurisation de la monnaie à l'échelle locale. Mais elle s'intéresse aussi aux monnaies complémentaires. Moi, je vois ça très bien chez moi en Val d'Aoste, où il est en train de se mettre en pied cette possibilité. S'intéresse aux monnaies complémentaires à cause du fiscal compact et à cause du pacte de stabilité, etc. Car le paiement d'une partie des salaires des travailleurs de l'administration publique, comme à Bristol en Angleterre par exemple, avec le Bristol Pound leur permet de libérer des masses d'argent en devises courantes et de rembourser ainsi les dettes ou de mettre en place des investissements et, ou des politiques sociales. Les petites moyennes entreprises, là je vais plus rapidement, trouvent dans les monnaies complémentaires un outil de social innovation décisif pour combattre les difficultés d'accès au crédit, pour compenser le rétrécissement des débouchés et pour mobiliser les ressources qu'autrement resteraient inutilisées au sein des circuits monétaires traditionnels. Les autres entrepreneurs y voient un outil agile et flexible pour accélérer les délais des rétributions et pour abattre les coûts des transactions. Donc cela leur fournit des importants espaces de manœuvre pour alléger les pressions du marché. Les petits producteurs de l'agroalimentaire y trouvent un outil valide pour soutenir la filière courte et pour certifier l'origine et la façon dont sont fabriqués et distribués les biens mis à disposition. Cela implique un effet de label qui garantit l'état d'esprit et la qualité des pratiques productives et d'échange. Pour les consommateurs, par contre, les monnaies complémentaires font office de moyens concrets d'action au quotidien. Il s'agit tout d'abord de disposer d'un outil pédagogique de réappropriation économico-politique, mais aussi de s'assurer que les achats aient des retombées positives pour le territoire. Dépenser de l'argent signifie toujours, bon gré mal gré, de soutenir le bien ou le service que l'on achète et les rapports sociaux qui vont avec. C'est l'exact contraire du boycott qui, en sens inverse, signifie toujours un refus de diffuser le bien ou le service et les rapports sociaux qui vont avec, qui l'ont boycotté. Quant aux mouvements sociaux, et je vais conclure, par-delà leurs différences, les enjeux sont nombreux et, à mon avis, difficilement négligeables. En effet, ce qui a caractérisé les mobilisations les plus récentes, notamment dans les contextes dans lesquels la crise se manifeste le plus durement, c'est la centralité de la sphère de la reproduction sociale, soit en termes de conflictualité dans les rues et dans les places, soit en termes d'auto-organisation, de la coopération, du partage et de l'entraide. Celle qu'on pourrait définir, en suivant le débat né au sein des mouvements sociaux en Italie, les politiques du besoin, c'est-à-dire les revendications concernant le droit à la ville, aux revenus, au welfare, etc., sont devenus des champs où se sont exprimés l'inventivité et la puissance affirmative d'une vaste pluralité de subjectivités. C'est au sein de ces terrains, fondamentalement post-salariaux, qui se sont créés positivement des institutions alternatives qui sont nommées de contre-pouvoir économico-politique. Bien sûr, les risques de faire fonction de béquille dans les processus de démantèlement du welfare, d'être compatible avec les politiques austéritaires, de se révéler comme un outil de sous-traitance dans la gestion de la pauvreté et de la précarisation des conditions d'existence, donc d'être récupéré politiquement, sont très élevés. Toutefois, les monnaies complémentaires pourraient non seulement contribuer en large mesure à la stabilisation et au renforcement de la reproduction de ces pratiques. De ce point de vue, elles représentent un phénomène névralgique pour la constitution de liens résistants entre les expériences mutualistes, mais elles peuvent aussi contribuer à la constitution de formes de subjectivation politique plus tranchantes. Dans beaucoup de contextes, Manuel Castells l'a montré très bien en ce qui concerne la Catalogne, au cours de ces dernières années, on a assisté à un mouvement qui est parti des activités alter-économiques, centrées sur la valorisation des communs et des valeurs d'usage, pour arriver à la mobilisation politique au sens le plus éminent du terme. Or, par-delà, à nouveau, toutes les critiques que l'on pourrait légitimement avancer, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit, d'imaginer des manières concrètes d'étendre et de consolider la prolifération de ces pratiques monétaires axées sur la valorisation des besoins, c'est-à-dire des pratiques monétaires qui valorisent la forme argent comme argent au détriment de celle argent comme capital, via la fédéralisation des systèmes monétaires complémentaires, comme c'est le cas du système Fuerakipu au Japon ou de l'encore embryonnaire Community Exchange System. Mais il s'agit surtout de mon point de vue, de faire un usage politique de ces pratiques. Or, si l'on considère d'un point de vue matérialiste, non idéologique, les expérimentations néo-mutualistes, les campagnes pour la libre circulation des savoirs, les luttes contre les grands projets inutiles, les rassemblements des places, etc., on remarque que c'est au cours des mobilisations, au fur et à mesure qu'elles prennent de l'ampleur et qu'elles s'enracinent dans des communautés spécifiques, que se façonnent des nouvelles subjectivités et que des comportements différents se développent. Ou mieux, hein, c'est quand ces mouvements arrivent à atteindre les conduites de vie et les visions du monde des sujets qu'ils acquièrent de l'épaisseur. Hein, c'est ce que montre aussi le processus d'institution des biens communs. Il ne peut donc exister aucun sujet privilégié antérieur aux pratiques d'auto-émancipation, mais simplement la formation d'un groupe éthico-politique se subjectivant lors de l'organisation même de sa revendication. Ce qui se produit dans les expériences les plus réussies, hein, c'est donc la coïncidence entre la transformation des circonstances sociales et l'autre transformation des subjectivités elles-mêmes à l'intérieur d'un contexte objectif particulier qui conditionne la coévolution de ce double processus. Une telle productivité politique, voilà le pari, qui a été déclenché dans les cas les plus heureux des pratiques alter-économiques, est inhérente aussi, à mon avis, aux monnaies complémentaires. La monnaie ne doit donc pas être considérée exclusivement comme un outil de commandement de la force de travail, d'extraction de la plus-value et de diffusion d'images du monde proprement capitaliste. Les monnaies complémentaires doivent devenir des objets à réinvestir stratégiquement, capables, comme elles le sont, de catalyser les passions sociales les plus vives et de véhiculer des mutations de vaste portée. S'il y a en effet un objet, je conclue, qui, d'un côté, se révèle une entrave majeure à l'autodétermination des sujets, et qui, de l'autre, est aussi un ressort indéniable d'autonomie formelle et substantielle en vue de l'autoréalisation personnelle, celui-ci est bel et bien la monnaie. La monnaie est un instrument de domination, cela est une évidence, mais elle est aussi, en même temps, l'une des principales conditions de possibilité de l'auto-émancipation. Sa plasticité et son caractère central dans les rapports sociaux en font une réalité de première importance. Très grande partie des relations avec soi, avec autrui et avec le monde étant médiatisée par elle. Malgré les tendances, au fond, keynésiennes et technophiles, plus que l'attente dans ces expérimentations de surestimer l'outil monétaire par rapport aux subjectivités qui en font usage, il ne faut pas oublier que la monnaie est une institution qui possède un caractère éminemment normatif et prescriptif. Quel est un objet particulier, institué de manière à devenir appropriable aussi par des sujets et instrumentalisable à leur avantage dans l'arène sociale? Souvent, donc, voilà, les enseignements que l'on peut tirer de certaines expériences et concrètes de certains débats, on peut donc conclure que l'affrontement entre les instances normatives avancées par différentes subjectivités qui se coagulent dans les processus d'institutionnalisation de la monnaie complémentaire joue un rôle de premier plan. Mais c'est seulement une fois que la monnaie complémentaire a été investie par ce que je nomme cette lutte de normes, qu'elle peut constituer un démultiplicateur de transformation sociale et subjective capable d'entraîner le passage des politiques du besoin aux besoins de politique. Autrement, et là je finis, elle se condamne à recouvrir un rôle, quoique important et compréhensible en temps de crise, de subsidiarité socio-économique et politico-culturelle. Voilà. Merci. Alors moi je vais évoquer le cas des systèmes d'échange local et des monnaies locales en essayant de répéter le moins possible ce que David a déjà dit. Donc les SEL, les systèmes d'échange local, sont apparus au Canada dans les années 80 dans un contexte de crise du modèle keynésien et à un moment où on a vu arriver le tournant néolibéral. Et ils sont apparus en France au début des années 90. Aujourd'hui, en France, on en compte entre 300 et 500 en fonction de la manière dont on les compte, si on compte ceux qui sont réellement en activité ou ceux qui sont encore en cours de création. Alors, je vais définir le SEL à partir de la définition de Jean-Michel Servet. Donc pour lui, c'est un regroupement de personnes qui, sous une forme associative et sur une base locale, échangent des services et des biens par l'intermédiaire d'un bulletin d'information, d'une unité de compte interne des transactions et d'un système de bons d'échange ou d'une feuille personnelle de tenue des comptes remis régulièrement à l'équipe d'animation du groupe. Alors, concrètement, un système d'échange local, au départ, ça s'est souvent créé par une association. Lorsque vous inscrivez à un SEL, on vous donne une sorte de petit cahier dans lequel vous allez marquer toutes les transactions que vous faites avec les autres membres du SEL, donc les offres, les demandes. Vous allez donc bénéficier au départ d'un crédit gratuit dans une fausse monnaie. Moi, je suis inscrit au SEL de Nancy, qui est mon principal terrain. Donc la monnaie, c'est la fleur. Voilà, vous arrivez, on vous donne 200 fleurs. Donc, c'est une sorte de crédit gratuit. Vous allez proposer des choses, des services, des biens, et vous allez en demander aussi. Et vous allez offrir et demander des biens et des services qui seront inscrits dans un catalogue, qui sera en général mis en ligne. Donc comment s'effectuent les échanges? Je vais donner un exemple. J'aimerais me former en philosophie. Et je sais que Davidé, qui fait partie du même cell que moi, offre des cours de philosophie. Il va donc m'offrir un cours de philosophie. Le problème, c'est que moi, je n'ai qu'un cours de sociologie à lui offrir, et lui, la sociologie, il trouve que c'est pas génial. Donc, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un comme Laurent, par exemple, qui cherche un cours de sociologie, et qui lui-même propose des cours d'économie, et Davidé veut se former en économie, allez savoir pourquoi. Donc, la boucle est bouclée, mais elle n'est pas forcée d'être bouclée, parce qu'en fait, la compensation est toujours multilatérale. Hein, c'est une manière aussi de pallier à l'inconvénient, enfin à la non-coïncidence des besoins dont parlent les économistes. Donc en fait, qu'on ait une créance ou un débit, c'est par rapport au groupe tout entier, non par rapport à la personne avec laquelle on fait la transaction. En termes de prix des fleurs ou de la fausse monnaie, généralement, ça se fait de gré à gré. Hein, on décide ensemble du prix qui est accordé, par exemple, au cours. Mais quand il s'agit d'un service, on considère souvent, dans la plupart des salles, qu'une heure de travail vaut une autre heure de travail, quel que soit leur objet respectif. Donc, mis à part cette équivalence en termes d'heures de travail, ce qui est recherché souvent chez les membres d'un CEL, c'est de pouvoir accéder plus facilement à des services et des biens de qualité, donc écologiquement responsables, éthiques, etc. C'est généralement défini dans la charte du CEL qui se crée, parce qu'en fait, il y a eu certaines dérives à un moment. Par exemple, à la fin des années 90, en Île-de-France, il y avait un CEL dans lequel quelqu'un demandait des services sexuels. Donc on comprend bien qu'après, les CEL aient écrit dans leur charte que certains services étaient prohibés. Donc la philosophie générale, c'est quoi? C'est le fait de considérer que l'argent ne doit pas être une fin en soi, mais doit rester un moyen. Et on essaye, dans un CEL, de redéfinir le cadre spatial dans lequel s'organisent les échanges. Donc c'est une sorte de réappropriation du pouvoir à un niveau local, et ça permet d'accéder plus facilement à des biens et des services qui sont pas faciles d'accès dans l'économie standard. Donc on assiste aussi à une revalorisation du travail, parce qu'on voit souvent des gens qui se considèrent comme démunis en termes de compétences arriver dans un CEL et au terme des discussions, des réunions, prendre conscience qu'ils ont des passions à transmettre et des compétences à partager. Donc c'est bien d'une défétichisation de l'argent qu'il s'agit. Hein, Smaïn Lacher parle d'économie enchantée quand il évoque les CEL. Aussi parce que ce qu'on recherche dans un CEL, c'est une certaine forme de convivialité. Hein, Jean-Michel Servet le dit, on échange pour quelque chose et non pas contre. On n'échange pas contre quelque chose. Donc le groupe est vu comme une totalité. Alors, on peut y voir un engagement anticapitaliste, d'abord par le système de crédit gratuit au départ, qui, on le verra, n'est pas toujours un crédit, mais plutôt un don, finalement. L'anticapitalisme peut se voir aussi par cette histoire d'équivalence entre les heures de travail. Et puis, évidemment, la fausse monnaie qu'on utilise dans un CEL n'est pas thésaurisable et on peut pas spéculer dessus. Donc il s'agit bien d'une réappropriation sociale de l'argent, hein, ce qui rappelle un peu Zelitzer dans son bouquin « La signification sociale de l'argent ». Le but étant de recréer du lien social à partir de cette monnaie. Alors, on peut y voir plusieurs héritages théoriques. Par exemple, chez Proudhon, hein, ne serait-ce que parce que cette réappropriation locale du pouvoir rappelle un peu la vision de Proudhon, qui nous parle de révolution par le bas. Et puis, on sait que Proudhon voulait redonner une fonction proprement sociale à la monnaie. Et puis, à travers le système de crédit gratuit dans les CEL, ça peut rappeler aussi le fait que Proudhon voit le taux d'intérêt comme un droit d'aubaine, hein, en vertu d'une propriété qui constitue un vol chez lui, on le sait. Dans la banque d'échange proudhonienne, on utilise des bons d'échange qui sont non convertibles en monnaie métallique et qui sont libellés en heures de travail et échangeables contre les produits du travail. Donc c'est pour faire de chaque produit du travail une monnaie courante. Donc le but de Proudhon, c'est d'élever chaque produit du travail au rang de monnaie. Alors, je ne vais pas développer ce point-là, mais on sait que Marx critiquera vivement cette vision-là, notamment en disant que n'importe quel produit du travail ne peut pas accéder au rang de monnaie, ne serait-ce que parce que il faut que la marchandise voit sa valeur objectivée pour devenir une valeur d'échange échangeable sur un marché. Et puis il y a d'autres critiques qui viendront, notamment le fait que dans la banque d'échange proudhonienne, pour que ça marche, il faut que les membres aient une confiance totale les uns envers les autres. Ce sera une remarque de Nathalie Ferreira notamment. Oui, parce que quand on parle d'argent, en fait, on n'est jamais loin du concept de confiance. Si demain, tous les Européens décident que le billet de 500 euros, aussi gelé soit son violet, représente un coût de production de 10 puissance moins 5 centimes d'euros, eh bien, si on croit tous que l'euro n'a plus de valeur, il n'en aura plus de fait. C'est une question de confiance. Alors, je vais brièvement évoquer le cas du sel de Nancy, qui est intéressant parce que c'est un mauvais élève. D'abord parce que, en fait, le système de crédit gratuit dans le sel de Nancy, auquel je suis inscrit depuis plusieurs années, c'est pas un crédit gratuit, parce que à la fin de l'année, on remet les compteurs à zéro. Donc, on redonne 200 fleurs aux membres. Ce qui veut dire que finalement, vous pouvez vous retrouver avec un compte à moins 200 à la fin de l'année, c'est pas grave, on va vous redonner vos 200 fleurs. Alors, il y a un pseudo-contrôle, mais bon. Alors, c'est un sel qui n'échappe pas aux contraintes organisationnelles de toute association. Il y a des rapports de pouvoir qui se forment, notamment parmi les membres historiques, les membres anciens, qui aiment bien faire entendre leur voix sur des sujets peu pertinents. Par exemple, moi j'ai fait partie du conseil d'administration, et je me souviens d'un débat où très virulent, très violent entre membres du conseil d'administration, parce que on se demandait si il fallait que le catalogue en ligne soit en format PDF ou en fichier Excel. Voilà, c'était ça la préoccupation du jour. Et pendant ce temps, les échanges étaient très rares finalement. Donc il y a une sorte de hiérarchie informelle qui se crée. Il faut savoir que dans ce sel-là, il y a une majorité de personnes de plus de 50 ans. Alors, j'ai bien sûr rien contre les personnes de plus de 50 ans, mais les personnes plus jeunes qui s'inscrivent au sel découvrent vite que c'est une sorte de coquille vide et le quittent assez vite. En fait, moi, j'ai essayé de définir des profils typiques dans ce sel. J'en ai défini deux. Il y en a un que j'ai appelé l'opportuniste historique et l'autre le militant de passage. Alors, l'opportuniste historique, c'est qui ? C'est un membre ancien du sel qui a souvent fait partie de la création du sel, enfin qui a participé à la création du sel, et qui est légitimé justement par son ancienneté. Et ce qui est assez drôle, là où il est opportuniste, c'est qu'il n'offre rien, mais il demande beaucoup. Voilà. Donc, il offre des choses, mais quand on le sollicite pour offrir telle ou telle chose qu'il a présentée dans le catalogue, il cherche. Enfin, trouve toujours un moyen d'esquiver l'échange. Et il demande beaucoup. Hein. C'est notamment le cas de quelqu'un qui est vraiment à l'origine de la création de ce sel, qui, à chaque réunion, se débrouillait toujours pour se faire emmener en voiture. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est là pour capter les offres des autres membres. Et c'est généralement, dans ce profil-là, c'est généralement quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Au départ, lors de la création des sels, les premiers sels, on voyait des gens qui, effectivement, avaient des contraintes monétaires qui faisaient qu'ils n'avaient pas forcément accès à des biens et services de qualité dans l'économie standard. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le paradoxe veut que dans les sels, c'est pas les gens qui sont les plus démunis qui s'y engagent, c'est ou bien ceux qui l'ont créé à la base qui y sont toujours et qui sont opportunistes, ou bien des militants. Donc j'en arrive à cette figure du militant de passage. Alors, le militant de passage, c'est qui ? C'est la personne qui va s'inscrire à ce sel par militantisme et qui va vite se rendre compte qu'il y a très peu d'échanges et qu'il y a beaucoup de longues discussions pour pas grand-chose et qui va vite quitter le sel, alors pour en rejoindre un autre ou non. Hein, voilà, il va pas rester longtemps. Donc ici, le caractère utopique, en tout cas de ce sel en présence, est à relativiser. En fait, la plupart des échanges qui se passent dans ce sel, ça se passe via le forum, enfin le comment ça s'appelle, la liste de diffusion. Hein. Y a quelqu'un qui va dire oui, alors ce week-end, est-ce que quelqu'un peut me prêter un vélo ou une perceuse, je ne sais pas quoi. Et finalement, on va rarement inscrire sur le cahier la transaction. Donc c'est plutôt une sorte de plateforme assez vide où on va demander des services où il n'y aura pas forcément de compensation. Donc en plus, je vais juste donner un autre point, c'est qu'on remarque que les sels sont plus nombreux en milieu urbain qu'en milieu rural. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y a moins de monde en milieu rural. Je pense que c'est parce que dans le milieu rural, les échanges de ce type existent déjà et qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire à un CEL pour faire ce type d'échange. Je vais parler avec ma deuxième casquette de producteur exploitant bio. Dans le monde des producteurs exploitants bio, c'est surtout bio parce qu'ils sont souvent plus solidaires que les autres, c'est très courant de faire des échanges de ce type-là. Alors, il n'y a pas forcément effectivement de caractère de compensation multilatérale, hein, c'est plutôt je te file ça, bah, tu me rendras service quand tu pourras, mais il n'y a pas non plus besoin d'afficher un caractère militant pour le faire. Voilà. C'est plutôt le côté pratique qui est vu comme ça. Donc, je me souviendrai que tu m'as dépanné telle chose, hein, mais il faudra un certain temps, comme disait Mauss, le temps est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation. Donc voilà, dans le milieu rural, c'est quelque chose d'assez banal. Hein. Si vous allez voir un agriculteur ou même un paysan, quoi, hein, vous allez lui dire le CEL, tu vas voir, c'est vachement bien. Oui, bah, tu sais, moi, je me dépanne déjà avec mes camarades, donc ouais, pas besoin de CEL. Alors, donc, comme je l'ai dit, le paradoxe, c'est que c'est pas les plus démunis qui s'inscrivent à des CEL, c'est souvent les plus engagés. Mais je précise bien que le CEL auquel je suis inscrit est en pleine perdition et qu'il y a tellement de CEL en France qu'il y en a qui marchent très très bien. Pas forcément d'ailleurs nécessairement en fonction du nombre de membres. Là où il y a quelque chose de plus intéressant à mon avis, c'est du côté des monnaies locales, où il est plus difficile, à mon avis, de définir des profils types, et parce qu'on n'est pas forcément engagé, c'est pas forcément par militantisme qu'on adhère à une monnaie locale. Alors, une monnaie locale, c'est quoi ? Bon, David a déjà un peu expliqué. À l'origine, ça part, enfin, moi je vois ça comme ça part d'une intuition de Gözel dans les années 1910. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, Proudhon voulait élever toute marchandise au rang de monnaie, et Gözel va vouloir faire l'inverse, il va vouloir baisser la monnaie au rang de simple marchandise. Pour lui, pour que la monnaie soit un bon moyen d'échange, il faut en faire une mauvaise marchandise. Ça veut dire quoi ? En fait, la marchandise est victime d'usure, et pour Gözel, il faut que la monnaie soit victime de cette même usure, pour en faire un meilleur moyen de paiement. Donc, lui attribuer une décote de X%, je crois que c'est 2% tous les 6 mois, il me semble. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous avez entre les mains, comme il l'expliquait, une monnaie fondante, donc qui perd de sa valeur tous les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois, tous les ans, vous allez être incité à la dépenser vite, donc à la remettre vite en circulation. Le but étant d'accélérer la circulation de la monnaie et ne pas pouvoir la thésauriser, l'épargner ou spéculer. Je préciserai que Gözel est cité par Keynes à la fin de sa théorie générale, et Keynes dira même que l'avenir aura plus à apprendre de Gözel que de Marx. Désolé. Donc, les enjeux économiques derrière cette idée de monnaie fondante, ils sont évidents. C'est d'abord en termes de relance économique, de relance de la demande, de relance keynésienne, et une baisse de la thésaurisation. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, au départ, la création d'une monnaie locale, c'est souvent à l'initiative d'une association, mais ça peut être aussi à l'initiative d'une collectivité. Hein. Par exemple, le sol violette à Toulouse, alors c'était pas à l'initiative de la mairie, mais ça a été largement soutenu par la mairie, et c'est une de celles qui a le mieux marché, qui a maintenant 5 ans, je crois. Et le principe d'une monnaie locale, c'est donc d'être local, et donc d'être accepté dans une zone géographique donnée, qui peut être plusieurs quartiers, une ville, ou deux ou trois petites villes. Alors, il y a beaucoup de modalités différentes dans une monnaie locale, comme David l'a déjà précisé. Pour l'illustrer, je vais donner l'exemple, encore une fois, de la ville de Nancy, je suis désolé. Il y a un projet de création de monnaie locale, pour concrétiser ce projet, une association a organisé un forum ouvert. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du forum ouvert, donc ici, si on organise un forum ouvert, on va mettre des feuilles de papier au centre du cercle avec des stylos, et chacun pourra venir au centre du cercle et marquer les thèmes qui l'intéressent, sur lesquels il voudrait travailler dans le cadre d'ateliers durant la journée. Donc, il y a eu monnaie locale et monnaie fondante, monnaie locale et celle, la nature et la monnaie locale, enfin voilà, le nom de la monnaie locale. Et après, chacun s'inscrit dans les ateliers qu'il souhaite pour en discuter. Alors, le forum ouvert, c'est vraiment très actif. Hein, c'est une démarche citoyenne, vous êtes obligé d'être très actif. Le problème, c'est que voilà, il y a des contraintes horaires qui font que les ateliers ne duraient qu'une demi-heure, donc c'est pas facile d'aller au bout des choses. Alors c'est assez rigolo, hein, les organisateurs vous disent, oui, vous allez voir, il y a deux types d'animaux, hein, il y a les papillons et les abeilles. Alors les papillons, c'est ceux qui vont traîner à la machine à café, prendre leur temps, réfléchir. Et puis les abeilles, c'est ceux qui vont aller butiner d'atelier en atelier. Donc quand vous rentrez là-dedans en tant que chercheur, vous vous dites, bien sûr, je vais être une abeille, puisqu'il faut que je vois un maximum de choses. Mais comme les ateliers durent une demi-heure, c'est pas évident du tout d'être une abeille. Vous avez plutôt intérêt à stagner pour vraiment aller au bout des choses dans un atelier. Donc, dans ce forum, je le cite parce que ça a été intéressant, on a pu voir toutes les modalités possibles d'une monnaie locale. Alors, avant de les aborder, je voudrais préciser que le public, cette fois-ci, était très divers, hein, et pas que des plus de 50 ans. Hein. Ça allait du lycéen de 17 ans jusqu'au retraité de 85 ans, tous les âges, tous les secteurs d'activité, des chômeurs, des actifs, des retraités, tout le monde. Donc, les débats sur les modalités. Alors, quelles sont les modalités d'une monnaie locale? Je vais aller vite parce que David en a déjà parlé. D'abord, il y a l'utilisation des euros. Quand vous voulez, donc on va appeler ça la monnaie locale, on va l'appeler le Sofiapol. Si vous voulez, dans une démarche militante ou non, obtenir des Sofiapol, vous allez aller voir l'association qui a créé les Sofiapol. Vous allez donc déposer des euros. Généralement, la parité, c'est 1 pour 1. Dans le forum ouvert à Nancy, certains disaient « oui, mais il vaudrait mieux... » pour 10 euros qu'on nous donne 11 Sofiapol, ce sera un mécanisme incitatif. Bon, il y a déjà ça. Ensuite, que faire des euros? Généralement, dans la plupart des cas, l'association prend les euros, les met sur un compte, au crédit coopératif ou à la nef, et ça servira à financer des projets d'économie sociale et solidaire. Certains revendiquent de garder les euros en réserve en cas de possibilité de reconversion. Hein, j'ai des Sofiapol, mais en fait... Sofiapol, ça me plaît pas trop, je veux récupérer mes euros. Donc, il y a des fois c'est interdit, comme David l'a précisé, d'autres fois c'est autorisé, au moyen d'une taxation. Hein. Je veux récupérer mes 10 euros, mais il va falloir que je donne 11 Sofiapol. Ensuite, il y a eu des débats sur le caractère fondant ou non de la monnaie. Hein, certains disent, oui, mais tu comprends, si le Sofiapol c'est une monnaie fondante, moi j'ai pas envie forcément de le dépenser tout de suite, et puis ça pousse à la consommation. D'autres disaient, mais non, c'est pas une surconsommation, c'est plutôt une meilleure consommation et une sous-épargne. Pour ma part, je trouve que le caractère vraiment utopique d'une monnaie locale, c'est précisément sur le côté fondant, je pense, parce que c'est vraiment ça le but. La monnaie locale, c'est à la fois une monnaie qui perd vite de sa valeur, donc qui doit être vite remise en circulation et uniquement pour échanger, et pour échanger où? Dans un cadre local. C'est vraiment l'accord entre ces deux principes qui fait que c'est intéressant. Alors ensuite, il y avait des débats sur la qualité des prestataires, donc des commerçants qu'il s'agit de fédérer autour du projet, parce qu'il faut bien qu'il y ait des commerçants, hein, qu'il y ait des magasins, des artisans, bon voilà. Donc la qualité des prestataires, alors c'est quoi? C'est souvent, on va choisir des magasins bio, par exemple. Il est évident que les grandes surfaces vont peut-être pas... l'association ne va pas demander aux grandes surfaces de participer à ce processus. Et puis, bien sûr, comment motiver les commerçants à utiliser la monnaie locale? Parce qu'en tant que commerçant, évidemment, on a des achats à faire, et il faut que ces achats puissent se faire en monnaie locale, donc dans le cadre local. Alors, tous les commerçants ne peuvent pas le faire. Et puis, il faut aussi encourager les commerçants, peut-être, à payer une partie des salaires de leurs salariés, s'ils sont d'accord, en monnaie locale. Donc tout ça, c'est des débats qui doivent être définis dans la charte, et à en regarder la trentaine de monnaies locales qu'il y a en France, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Quoi, hein. Il y a des décotes plus ou moins grandes, il y a des fois il n'y a pas de décote, il y a des fois le système est assez large géographiquement, d'autres fois c'est plus restreint. Voilà, il y a un panel qui reste à définir, mais je pense que le côté fondant, si on l'enlève, ça enlève quelque chose de crucial dans le concept de monnaie locale tel que je le perçois. Voilà, donc que penser des systèmes d'échange local et des monnaies locales? Est-ce que c'est vraiment des pratiques utopiques? En un sens, oui, parce que effectivement, leur but étant de reconsidérer l'argent de lui redonner du sens, un sens purement social, et puis de ne pas en faire une fin en soi, mais un pur moyen. Et puis, ça permet, de ce point de vue-là, de contrecarrer un peu l'un des traits saillants du capitalisme, qui est l'accumulation. Mais je pense que ces expérimentations le font de manière très modeste. Et comme l'a dit Davidé, c'est plus pour améliorer les conditions d'existence tout de suite que vraiment de remettre en cause le capitalisme. Voilà, je vais passer la parole à Laurent. Bien, je ne sais pas dans quelle mesure je serai plus succinct que les autres. En fait, je voudrais me contenter avec vous d'apporter un certain nombre d'éclairages sur les rapports des monnaies locales complémentaires, en général, bon, sur lesquels je vais revenir, sur les différentes catégories desquelles je vais revenir, plutôt. Donc, sur les rapports entre les monnaies locales complémentaires et l'organisation capitaliste de la société, en faisant l'hypothèse qu'il s'agit bien en effet de monnaies qui ne sont pas destinées à se substituer à la monnaie émise par les institutions monétaires traditionnelles, et en particulier par les banques centrales. Alors, mon intervention va se diviser en trois parties. D'abord, je vais tâcher avec vous d'identifier la place et la fonction de ces monnaies locales complémentaires dans la circulation du capital. Ensuite, préciser la signification et le rôle de ces monnaies locales complémentaires au sein du système monétaire international. Et enfin, analyser ce qu'on pourrait appeler les effets de subjectivation des monnaies locales parmi les parties prenantes à ces expériences monétaires. Alors, je ne sais pas si Davidé a fait avec vous cette typologie, mais on peut rappeler les différents types de MLC, de monnaie locale complémentaire, en circulation. On a les MLC classiques qui circulent entre entreprises et commerçants ou producteurs et qui privilégient certains projets à fonction sociale ou écologique de type circuit court. Et là, on y échange tout type de biens et de services. On a ensuite les MLC inter-entreprises qui fonctionnent à titre de monnaie anti-crise, en quelque sorte, pour passer outre certaines difficultés de trésorerie des entreprises sans avoir à passer par le système bancaire classique. On a ensuite les monnaies locales dites thématiques qui visent particulièrement au développement de la consommation de produits et de services d'une filière en particulier. Et puis on a les monnaies locales affectées, bon, qui sont les plus anciennes puisqu'elles remontent en France aux années 60, et vous les connaissez toutes, en tout cas pour certaines d'entre elles, puisque elles se nomment titre restaurant, titre vacances, etc. Elles relèvent d'institutions d'économie sociale et solidaire, et donc comme leur nom l'indique, elles sont utilisées exclusivement pour des services ciblés. Alors, le point commun entre toutes ces monnaies, c'est que la plupart d'entre elles, quoique sous condition, elles sont convertibles en euros. Enfin, elles sont convertibles dans la monnaie du pays ou de la région dans laquelle elles se développent et elles circulent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles n'ont en aucun cas vocation à se substituer à ces monnaies légales, à ces monnaies officielles. Elles peuvent tout au plus élargir la sphère de leur circulation et le spectre des biens qui s'échangent contre ou pour elles. Et donc la question maintenant, c'est où et comment les monnaies locales complémentaires s'introduisent à l'intérieur de la circulation du capital. Alors je vais être très didactique. Mais... Je suppose qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une... Ouais, j'en ai moi. Oui. Alors, si on reprend la formule classique, hein, la formule générale du capital, vous la connaissez toutes, non? Par cœur, tous, oui. Tous, oui. Tous. Oui, David Hélin a un peu évoqué au début de l'intervention. D'accord. Bon, la formule complète, hein, c'est celle-là. Hein. Donc, deux actes de circulation, un acte de production. C'est le premier acte de circulation, AM, il se décompose lui-même en deux types d'achats, deux types d'investissements. Achat de moyens de production, d'accord, et achat de force de travail. Okay. Achat de capital constant, achat de capital variable. Ou plutôt investissement en capital constant et investissement en capital variable. Dans l'échange entre argent et force de travail, si on se place du point de vue du travailleur lui-même, celui qui perçoit le salaire, sachant que, ça va de soi, mais il est bon de le rappeler, que l'achat de force de travail, c'est l'achat d'une capacité de travail, et la valeur de cette capacité de travail, elle est mise en œuvre au sein du processus de production, tandis que le salaire qui est touché par le travailleur, lui, n'entre d'aucune façon dans le processus de production. Donc, du point de vue du travailleur, à quoi revient ces... au fond, l'ensemble de ce processus. Pour lui, ça consiste à échanger sa marchandise, sa force de travail, contre de l'argent, le salaire, avec lequel il achète un certain nombre de biens, de services, etc., nécessaires à sa reproduction. En quelque sorte, du point de vue du travailleur, la circulation du capital à laquelle il prend part revient à une forme de circulation exactement inverse à celle du capital, puisque c'est de type MAM, échange de marchandises contre argent et d'argent contre marchandises. En d'autres termes encore, ici, l'argent fait uniquement, a uniquement une fonction de moyen de circulation, de mesure de la valeur et de moyen de circulation. Il n'est en aucun cas un moyen, alors même si elle épargne le salarié, etc., mais on fait abstraction de ça parce que économiquement, ça n'a pas beaucoup, analytiquement, ça n'a pas beaucoup d'importance, et n'a donc aucune, l'argent n'a aucune fonction ici d'accumulation de thésaurisation, sinon, encore une fois, pour acheter davantage de biens de consommation. Ça, c'est une première, ça, c'est un premier élément, disons, une première forme d'échange interne à la circulation du capital que j'ai mis en évidence à la mesure où un certain nombre de ces monnaies locales complémentaires, au fond, consistent à assurer la circulation sous cette forme-là, c'est-à-dire à s'introduire entre la marchandise vendue et la marchandise achetée. C'est le cas en particulier des monnaies locales thématiques et voire certaines des monnaies locales affectées. Ensuite, si on reprend alors là un autre schéma de marque et schéma de reproduction, hein. Donc à deux secteurs, hein. Capital constant, capital variable, plus-value. Donc c'est la marchandise 1, le moyen de production. Ici le secteur 2, c'est le secteur des biens de consommation. Comment s'opèrent les différents actes de la circulation nécessaires à la reproduction du système? On fait l'hypothèse qu'on est en reproduction simple, hein, donc il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de reproduction élargie, comme dit Marx. Alors, les biens de consommation, ils sont échangés contre le capital variable et la plus-value du secteur 2, c'est-à-dire du secteur producteur de ces biens de consommation, plus le capital variable et la plus-value du secteur 1 des biens de production. Et ce, par la médiation de l'échange de ces biens de production-là. Il reste donc tout ça est épuisé avec ces deux types d'échanges, il reste donc une partie de la marchandise 1, c'est-à-dire des biens de production, qui doivent être échangés à l'intérieur même du secteur des biens de production, c'est-à-dire qui doivent remplacer ce capital constant-là. En fait, cet échange-là, qui vise à reproduire le capital constant du secteur 1, c'est typiquement un échange inter-entreprises. En fait, c'est les entreprises producteurs de biens de production qui s'échangent entre elles les biens de production. Et Marx souligne un truc intéressant, qu'il avait déjà aperçu chez Quesnay, hein, dans le tableau économique de Quesnay. Il dit, mais au fond, dans l'échange inter-entreprise, au sein de ce secteur, l'argent ne joue quasiment aucun rôle. En fait, comme il dit, ces marchandises pourraient être échangées in natura, en nature. L'argent a une fonction purement formelle d'unité de compte. Elle peut circuler, mais elle peut très bien ne pas circuler du tout. Elle n'est absolument pas indispensable, et c'est quand même un truc assez dit, quand même, c'est quand même un truc étrange dans la reproduction du capital. C'est quand même le secteur capitaliste par excellence, et c'est-à-dire celui qui est vraiment à l'origine de la valorisation du capital, qui est un secteur dans lequel, au fond, les entreprises s'échangent sans ces marchandises, sans argent. Du reste, l'expérience récente a en quelque sorte illustré ça, puisque lorsque la crise de la dette publique russe a éclaté en 1998, le rouble s'est complètement effondré et des experts du Fonds monétaire international s'étaient déplacés pour voir comment ça s'était passé, etc., quelle était l'origine du bordel, et puis comment remettre de l'ordre dans tout ça, l'Union soviétique venant de s'effondrer quelques années plus tôt. Donc il s'agissait de s'adapter au mieux au nouveau régime capitaliste, ce que la crise venait infirmer, cette capacité d'adaptation. Mais ils avaient été très surpris par un phénomène, c'est que ils s'étaient aperçus que malgré l'effondrement du rouble, les entreprises russes s'étaient livrées au type d'échange qui prévalait avant la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire à du troc pur et simple. Et donc le capital, ils assuraient la reproduction du capital sans plus passer par la monnaie. Et donc les experts disaient, mais c'est quand même curieux, ça fonctionne, et ça fonctionne à l'ancienne. Ils pensaient qu'en fait, ils s'inspiraient du modèle soviétique, en réalité, ils avaient bien lu leur livre 2 du Capital, quoi, sur tout ça, voire même le tableau économique de Quesnay. Et donc, tout ça pour vous dire que là aussi, on a un type de circulation de type MAM, où l'argent n'a qu'une fonction circulatoire. Par conséquent, on s'aperçoit que dans la totalité des expériences monétaires qui mettent en place des monnaies locales locales et ou complémentaires, dans la totalité de ces expériences, en réalité, la circulation du capital la rend possible ou les rend possible dans sa forme même. Alors la question évidemment qu'il s'agit de se poser maintenant, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui des monnaies locales complémentaires ont pris la place de la monnaie officielle dans des fonctions qui au fond pourraient très bien être assuré par la monnaie traditionnelle, hein. Et donc aussi la question réciproquement, c'est de savoir au fond quel rôle nouveau, quelle fonction nouvelle remplissent ces monnaies locales complémentaires que ne remplit pas ou que ne remplit plus la monnaie traditionnelle. Alors, si on regarde attentivement l'ensemble des expériences monétaires qui sont analysées, comptabilisées, ne fût-ce qu'en France, on s'aperçoit qu'il y a trois grandes raisons qui expliquent la mise en place de ces systèmes monétaires alternatifs. La première, c'est il s'agit de localiser des transactions en privilégiant l'usage local des revenus tirés d'une production locale. Donc c'est intensifier les échanges au sein d'un territoire. La deuxième grande raison à l'origine des MLC, c'est la dynamisation des échanges au bénéfice des populations et donc pour cela refuser l'accumulation, la concentration, la conservation de la richesse monétaire. Et puis troisième grande raison, c'est, on y reviendra à la fin, c'est transformer les pratiques et les représentations même de l'échange, notamment en orientant la consommation de manière à la rendre plus responsable, plus éthique, plus respectueuse du développement durable, etc. En somme, il s'agit de faire ce que effectivement j'ai qualifié il y a quelque temps du micro-keynésianisme. Micro-keynésianisme pourquoi ? Parce qu'il s'agit de stimuler la demande locale, de réduire ce que Keynes appelle la préférence pour la liquidité en incitant à la dépense, et ce, afin d'atténuer la subordination de la valeur d'usage à la valeur d'échange, donc de remettre au devant la valeur d'usage de la marchandise plutôt que la marchandise en tant que support de la valeur ou que valeur d'échange. Et puis enfin, c'est là que le terme de micro-keynésianisme s'applique le mieux, c'est de conférer aux collectivités locales, c'est pas vrai de toutes les monnaies locales, hein, mais pour beaucoup d'entre elles, de leur conférer un rôle d'incitateur et de pilote de l'économie locale ou régionale. Donc on voit bien que là où les grandes politiques économiques d'inspiration keynésienne ont échoué ou en tout cas ont disparu des horizons des politiques économiques, on a une espèce, alors il faudrait réévaluer ça à l'aune du développement, par exemple, de l'Union européenne et de la manière dont les régions, les localités et les régions sont promues, sont valorisées dans la constitution du marché européen. On voit donc que là où les grandes politiques d'inspiration keynésienne ont échoué ou ont disparu, il y a un réinvestissement de Keynes et du keynésianisme à une échelle locale ou régionale, à la faveur d'expérimentations monétaires alternatives. Ensuite, et pour articuler le développement de ces monnaies à l'actualité récente, il est assez frappant de constater que la recherche sur les monnaies locales met assez peu en évidence le rapport entre le développement récent de ces monnaies locales, de ces initiatives monétaires, et la crise de 2008. Ou alors c'est pour souligner que ce développement serait né de la défiance des braves gens envers les banques et la finance. En fait, ce que la crise de 2008 a, et surtout les modalités de sauvetage du système bancaire et financier ont révélé, c'est une relation désormais indissociable entre système bancaire et système financier, entre les circuits monétaires et les circuits financiers, entre la monnaie et la finance. Bref, ce qu'elles ont mis en évidence, c'est une relation qui a transformé la monnaie elle-même en un instrument financier, c'est-à-dire en un moyen liquide de conversion entre actifs financiers. Tout se passe aujourd'hui comme si la monnaie officielle, et on le voit, la difficulté des entreprises à faire repartir le crédit aux des banques, pardon, à faire repartir le crédit aux entreprises et aux ménages, tout se passe comme si la monnaie officielle avait déserté la sphère de la circulation marchande au profit de la circulation financière. Et on le constate en particulier dans l'évolution du bilan des banques, où la part des actifs financiers ne cesse de croître par rapport à la part dévolue au refinancement et au dépôt. En quelque sorte, les monnaies locales complémentaires, en remplissant un rôle de, comme dirait Smith, de roue de circulation de la production marchande, ces monnaies complémentaires, en remplissant ce rôle de substitution, entériner à l'échelle locale la déconnexion entre la monnaie comme réserve de valeur ou marchandise universelle d'un côté et la monnaie comme moyen d'échange ou instrument de circulation de l'autre côté. Du coup, tout se passe comme si les monnaies locales complémentaires reconduisaient au sein même des pays financièrement les plus avancés la vieille dichotomie entre le commerce d'en haut et le commerce d'en bas, conceptualisé par Braudel pour caractériser l'économie marchande à travers les âges. Et ça se manifeste surtout dans le deuxième type de monnaie locale complémentaire qui sont celles des monnaies inter-entreprises. Alors, un mot sur le sens et les enjeux de ces expériences monétaires pour les parties prenantes elles-mêmes. Bon, on l'a vu, la réduction des fonctions de la monnaie locale à celle d'unité de mesure et de moyen d'échange a pour effet d'inciter les individus à la consommation de biens et de services au détriment de l'épargne. Donc réduire de force, au fond, c'est ça sa fonction première du point de vue du consommateur, hein, réduire de force la préférence pour la liquidité. Mais beaucoup d'expériences monétaires consistent également à monétiser des activités qui échappaient jusque-là à l'ordre marchand. C'est le cas des selles et des accorderies dont il était question. En fait, tout se passe comme si, les exemples que tu as cités illustrent ça, je pense, tout se passe comme si les comportements spontanés d'entraide, de socialisation, d'échange de bons procédés, etc., avaient à s'indexer d'une forme quasi marchande pour retrouver une raison d'être, une légitimité qu'ils avaient perdue ou qu'ils auraient perdue. Ce qui frappe dans ces initiatives monétaires, c'est moins la prolifération des monnaies alternatives que la monétisation de rapports sociaux déjà existants sous une forme non monétaire. Si on regarde ce qui se passe en France, on ne peut pas s'empêcher d'établir un parallèle entre le développement des monnaies locales complémentaires et le développement du microcrédit dans les pays en voie de développement. Alors bien sûr, la grande différence, c'est que dans le premier cas, les taux d'intérêt réels sont négatifs. Dans le second cas, ils peuvent atteindre 20 à 25%. Mais dans les deux cas, il s'agit le plus souvent de stimuler l'empowerment de l'individu, de l'intégrer dans la société au moyen et au travers des activités marchandes, fussent-elles alternatives. Bref, il s'agit de les inciter à devenir de vrais entrepreneurs d'eux-mêmes, de faire naître en eux un rapport purement comptable à l'échange de services, aux dons, à l'entraide, etc. Et enfin, il faut rappeler que la très grande majorité de ces initiatives monétaires est motivée par des préoccupations sociales, éthiques ou écologiques. Or, la monétisation de ces engagements populaires et citoyens présente des effets ambivalents. D'un côté, le fait que la mise en place de ces monnaies locales à but spécifique résulte d'un mouvement bottom-up donne aux usagers le sentiment d'être effectivement à l'initiative de cette institution et d'en maîtriser les effets. Mais d'un autre côté, il est clair aussi que tout système monétaire tend spontanément à s'élargir et à s'autonomiser vis-à-vis des échangistes. Ce que les échangistes sentent eux-mêmes d'ailleurs, en tâchant de limiter au maximum la sphère de la circulation, à maintenir leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, etc. Autrement dit, le projet même de mettre en œuvre des engagements éthiques et solidaires sous une forme monétisée renferme, en raison même des caractéristiques de cette forme, leur réification latente, et qui les condamne sans doute à se maintenir dans d'étroites limites au-delà desquelles ils partageraient le même sort que toute espèce de rapport social inscrit dans l'ordre marchand traditionnel. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Il y a deux, trois interventions qui posent plein de questions. Donc là, peut-être avant de donner la parole à la salle, Il y a un certain nombre de points qui reviennent parmi les problématiques qu'on a essayé d'aborder, qu'on commence à aborder au cours de ce séminaire. Et bien évidemment, le titre d'ensemble de vos trois interventions, l'utopie monétaire et ses limites, le pointait déjà, c'est la question des limites. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, bon, en un sens faible, tel qu'on l'avait déjà évoqué, les limites, c'est d'abord le côté fragmentaire, hein, de ces expériences, et puis peut-être aussi le côté pas assez radical ou simplement trop réformateur de ces expériences. Et là, je pense que vous êtes allé plus loin, en fait, sur cette question des limites. L'exposé de Davidé a montré que ce n'est pas simplement les limites telles qu'elles apparaissent, mais ces expériences, pour exister, ont besoin de se penser d'abord comme limitées, hein, parce que en réalité, pour être opératoire, la monnaie complémentaire se pense d'abord à l'échelle, par exemple, d'un territoire. Donc, c'est-à-dire que la limite, c'est pas simplement la limite telle que l'observateur extérieur peut la comprendre à travers une analyse de ses pratiques, mais ce sont des pratiques qui ont déjà intériorisé leurs limites par leur construction même. Et ça a quand même des effets importants quand on réfléchit à la question de l'utopie, puisque ensuite se pose la question, et c'est aussi ce que montrait plutôt la fin de l'exposé de Davidé, le fait que elles sont confrontées à un rapport de tension avec un système, hein, à partir du moment où elles ont intériorisé leurs propres limites et qu'elles ne se pensent pas comme une alternative globale, elles sont confrontées aux possibilités que tu as évoquées d'intégration, que Martin aussi a évoqué, d'être les béquilles. Et puis, ensuite, Laurent est allé encore plus loin en disant que... Mais ça rejoignait aussi ce que disait Martin sur le fait que, en fin de compte... Ces monnaies complémentaires ne peuvent être parfois que le remplacement, en fait, de pratiques de solidarité rurale de type classique ancienne, hein, qui finalement serait là monétisée, mais jouerait le même type de fonction. Et Laurent arrivant même peut-être à une inversion, pas comment dire, rétrograde de l'émancipation, dans la mesure où ça, en réalité, ça amène à faire de pratiques sociales traditionnelles des pratiques d'auto-assujettissement à la monnaie. Donc, de ce point de vue-là, on a peut-être approfondi, je pense, la question des limitations. Peut-être qu'on va prendre plusieurs questions, mais il me semble qu'un des risques qu'on aura dans ce séminaire, c'est qu'en fait, on a... Il y a cette idée un peu générale, je pense, de laquelle on part, qui est qu'aujourd'hui, l'utopie, la transformation sociale se construit un peu à travers cette composition entre de multiples alternatives fragmentaires, locales, qui pourraient s'articuler et se généraliser. Et on a un boulevard dans la possibilité de montrer en quoi ces pratiques sont limitées, comment des hiérarchies, des rapports de pouvoir, Martin a aussi évoqué ça, dans les profils sociologiques des gens qui participent à ces expériences. Donc on va avoir un boulevard pour montrer ces effets de pouvoir interne, ces limitations, mais je pense qu'il faudra essayer aussi de montrer, peut-être d'insister aussi en creusant. Alors bon, évidemment, si ces pratiques sont objectivement faibles, elles sont objectivement faibles, mais creuser aussi la dimension d'émancipation. Et là, moi j'aurais une question qui est, est-ce que malgré tout, il n'est pas possible de distinguer monnaie complémentaire et monnaie alternative? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences dont on pourrait penser qu'elles sont des monnaies alternatives? Est-ce que toutes les expériences de monnaie ont été au départ inscrites nécessairement dans le projet en particulier d'institutions de politique publique locale? Ou est-ce que des expériences plus autonomes venant de mouvements sociaux ont pu imposer l'existence d'une monnaie complémentaire indépendamment éventuellement de ce type d'institution. Est-ce qu'en Catalogne, par exemple, ça se passe comme ça? Peut-être aussi, ça c'est peut-être... J'aurais posé la question du fair coin. Est-ce que vous avez, j'ai pas creusé ça moi, mais est-ce que l'espèce de monnaie virtuelle, le fair coin, qui essaye de redisposer le bitcoin, mais justement à travers une démarche plus égalitaire en tenant compte des limitations du bitcoin, peut pas être pensé comme une monnaie alternative plutôt que complémentaire. Bon, je m'arrête là et puis je passe peut-être d'abord la parole à Christian qui doit partir. Oui, parce que je dois partir un peu avant, donc je vous remercie de vos exposés qui présentent en plus l'intérêt d'avoir des voix, si je puis dire, discordantes. Enfin, d'une certaine façon, vous n'êtes pas tout à fait, semble-t-il, sur la même longueur d'onde les uns et les autres. Je partirai de la fin de l'exposé de Laurent, qui me semble avoir soulevé un problème extrêmement important, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tous les exposés. Est-ce que la monnaie complémentaire, c'est une forme monétaire donnée à ce qui existait avant sous une forme coutumière, avec une enveloppe morale et religieuse, des pratiques de réciprocité des sociétés traditionnelles, qui ne fonctionnent plus de par la pénétration de l'économie monétaire et marchande et capitaliste, et qui donc trouve dans la monnaie, c'est le paradoxe que tu soulignes, et l'ambiguïté, qui trouve finalement dans l'instrument monétaire une voie de réhabilitation et de restauration. Et ça, c'est très fort. Enfin, je veux dire, c'est un point de vue, à mon avis, extrêmement, extrêmement important. Mais est-ce que donner une forme monétaire à la réciprocité sociale, c'est forcément, comme tu le sous-entends, entrer dans la voie de la réification, de l'autonomisation, de la polarisation sociale et de la domination? Alors là, tu nous refais le coup un petit peu de la première section du livre 1 du Capital. C'est-à-dire que finalement... tout processus monétaire aboutirait, disons, à de nouvelles formes de capitalisme, y compris sur le plan subjectif, parce que ce que tu vas jusqu'à dire, en réalité, que ça a conduit à la création d'une subjectivité d'auto-entrepreneur, etc. Bon, c'est pas impossible, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, alors, quand même autre chose, qui est le fait que la monnaie en question... C'est pas du tout la monnaie autonome, c'est une monnaie politique, c'est une monnaie éthico-politique, auto-gouvernée, avec des institutions qui, précisément, font tout pour éviter cette évolution. C'est-à-dire que là, tu fais comme si, à la limite, tout ce qui a été dit précédemment n'existait pas, et n'avait pas de fonction, je dirais, de contrôle sur l'évolution... de la monnaie complémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, oui. Ouais. Donc voilà, mais ce qui est tout à fait passionnant dans vos exposés. Et puis le risque, ce que Martin soulignait, ne semble pas être du tout le développement d'une nouvelle classe de capitalistes. Finalement, ce qui semble plutôt problématique, c'est de faire tenir une institution politique, démocratique, vivante. Ça me semble être plus la difficulté de la faire. Bon, voilà quelques remarques. En tout cas, merci, c'était passionnant. Oui, ce contrôle politique et institutionnel qui contiendrait justement ces virtualités perverses ou négatives de la monnaie, je veux dire, elle marche très bien. Pour autant, précisément, que ces monnaies restent dans un périmètre relativement étroit où, effectivement, les parties prenantes ont la possibilité de contrôler les flux, etc., et puis les éventuels débordements ou tout ce qui viendrait échapper à leur contrôle. Le rappel des béabas de la section 1 du Capital, il avait pour moi une fonction plutôt didactique qui consistait à faire l'hypothèse que justement ces systèmes s'élargiraient pour pour constituer réellement une alternative au capitalisme, c'est-à-dire à s'élargir au point qu'effectivement on peut imaginer une organisation sociale qui s'appuie sur une forme de monnaie et d'institution de la monnaie alternative au capitalisme. Et c'est là que j'introduis des doutes. C'est-à-dire, dès lors que ces expériences-là s'élargissent à l'échelle d'une société tout entière, ou voire à l'échelle mondiale, enfin a fortiori à l'échelle mondiale, il me semble que les aspects strictement monétaires de la monnaie l'emporteront sur tous les mécanismes de contrôle qui aujourd'hui effectivement assurent à la monnaie son rôle de moyen d'échange, pas simplement d'échange marchand d'ailleurs, mais aussi d'échange social, etc. etc. Alors, pour aller plus loin encore dans l'orthodoxie marxiste, je crois que c'est dans le développement du capitalisme en Russie, où c'est Lénine qui fait cette remarque, il dit, donc il fait l'hypothèse que voilà, les terres ont été collectivisées, etc. On a donc éliminé tout le caractère marchand de la production et de l'échange agricole, et dit, vous réintroduisez la petite production marchande, et quelques mois après, ou quelques années après, je ne sais plus ce qu'il dit, vous retrouverez le capitalisme. Ben voilà. Donc voilà, non, c'est ça. C'est du Lénine. Oui, non, mais c'est du Lénine. C'est du Lénine du section du capital. C'est du Lénine, mais c'est aussi... Bon, c'est bien sûr du Lénine, mais c'est du Lénine qui comprend bien aussi qu'est-ce que c'est que la monnaie dès lors que on l'élargit à l'échelle de 11 fuseaux horaires, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'essaye de... Enfin, ici, j'ai essayé de montrer les limites étroites dans lesquelles doivent, à mon avis, nécessairement rester, se maintenir ces expériences pour... Mais même à l'échelle très, très, très petite, on voit bien déjà les micro-rapports de pouvoir qui se mettent en place à l'échelle du sel de Nancy. Enfin, imaginez ce qui se passerait à l'échelle de la France, déjà. Question, après je peux rebondir. Enfin, je ne sais pas, j'avais une question, enfin, soumettre un peu une hypothèse sur cette question de l'utopie monétaire, justement pour élargir dans les limites, enfin, dans ce qui apparaît comme un peu limité de cette utopie monétaire des micro-monnaies. Est-ce qu'il n'y a pas en fait deux visions, et comment les articuler dans cette utopie monétaire? Une vision qui serait une utopie de régulation, de changer les règles de la régulation internationale des monnaies ou de la création monétaire. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais quelque chose qui serait effectivement plutôt de l'ordre du service public, enfin, de l'ordre dans ce qu'on disait sur le commun, le public et le marché, remettre du public de la création monétaire plus maîtrisée par les banques centrales et moins par les banques commerciales, enfin des choses comme ça d'un côté, et puis de l'autre côté, quelque chose qui serait plus de l'auto-organisation que sont ces monnaies, et qui irait plus du côté des communs. Et justement, je me demandais si quel lien on pouvait faire entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir, est-ce que du côté des acteurs, par exemple, on peut voir que cette action locale, elle s'inscrit aussi dans une remise en cause globale, et ce qui après permettrait aussi de penser les paradoxes qui sont que, au fond, je suis assez d'accord pour dire qu'on monétise des rapports qui n'étaient pas, ou qu'on arrive dans des rapports de pouvoir où finalement on se dit le marché c'était presque mieux, quoi. Bon. Mais où finalement c'est quand même des expériences de réappropriation à un niveau qui est, enfin, d'un engagement qui est plus global. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce qui m'intéresserait, ce serait voir comment on peut articuler les deux pour donner une dimension qui serait moins microscopique à l'utopie monétaire. Voilà. Je sais pas, je commence à dire des choses un petit peu en répondant aux différentes stimulations. Je crois que, de toute façon, chaque fois qu'on se met à penser politiquement, parce qu'après, on fait ça, c'est-à-dire on raisonne et on cherche de mettre en œuvre des pratiques, on est prise par des contradictions d'un côté et par des contraintes de l'autre côté, qui sont spécifiques à la situation, au contexte dans lequel on agit. Et donc, c'est un petit peu, c'est-à-dire, c'est tout le malheur que j'ai un petit peu, la difficulté avec ta dernière partie, parce que ça me semble que tu parles, voilà, comme dans une condition dans laquelle il y a une très grande présence de la spontanéité, du don, etc., tandis que cette expérience monétaire, hein, notamment en Europe du Sud, ont à faire, hein, comme ils avaient dans les années 80-90 en Amérique latine, tu penses au cas de l'Argentine, dans des situations d'écroulement vertical de l'économie nationale, d'écroulement vertical de l'État. Hein, c'est-à-dire dans des situations dans lesquelles on est pris par un degré de nécessité très fort. Hein, d'où alors la question du don, de la spontanéité, ça n'existe presque plus. Et là, tu cherches à remettre en place toute une série de services d'échange passant via l'institution de cette forme monétaire-là. Ce n'est pas qu'arrive la monnaie monétaire, la monnaie complémentaire à gâcher une situation. C'est exactement le contraire. Elle cherche à rétablir les conditions minimales nécessaires ou aussi dans spontanéité, toute une autre série d'attitudes voilà, auxquelles on peut avoir voilà, une attitude plus positive puisse se recréer. C'est un petit peu le même type de discours que j'entends assez souvent contre le revenu de base. On dit, si on file du revenu aux gens, alors les gens ne bossent plus. Non, mais les gens ne bossent plus parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a du chômage avec 30% ou 30% des jeunes ne bossent plus, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui libèrent des postes de travail, parce qu'il y a une division internationale du travail qui libère des postes de travail. Ici, ce ne serait pas le revenu de base qui libère des postes. Et là, c'est justement, toi aussi, tu fais tout un détour, tu passes par la déconstruction de l'argent ou de la forme monétaire typiquement capitaliste pour au final dire, même si tu le reconstruis, il y a presque une téléologie, un nécessitarisme, et là c'est vraiment dans la tendance de la section 1 du Capital, hein, jusqu'au chapitre 3, la monnaie ça devient, dès que tu la crées, de la monnaie mondiale. Hein, t'as cité Lénine, mais ça me semble que tu raisonnes vraiment comme s'il y a là une impossibilité de maîtriser, de gouverner ou d'encastrer le phénomène monétaire. Le phénomène monétaire, par nature, ça a tendance à éclater et à une puissance voilà, totalisatrice. Non? Parce que, et là, j'ai un peu du mal avec ça, qui est, je crois, le revers de la médaille de ce que toi, tu as dit en certain moment, non? Tu as dit, ce n'est qu'une question de confiance. Si nous, on se met là, on refuse l'euro, l'euro, ça ne vaut plus rien. Je crois que quand on a affaire avec le phénomène monétaire, on est toujours pris, non, dans cette enclume entre le nécessitarisme de la reproduction inertielle des échanges marchands et de la société capitaliste et un degré de liberté, de marge d'institution et d'investissement politique. Je ne dis pas que tout est possible, mais de l'autre côté aussi, ça me semble que cette petite question finale voilà, avec laquelle tu as fini ton intervention sont également problématiques. Ça me semble un petit peu le côté obscur. En plus, parce que ça ne tient pas en considération celles que sont les principes immanents aux monnaies complémentaires elles-mêmes. C'est-à-dire que la monnaie complémentaire se pense, hein, directement et immédiatement comme une pratique de définanciarisation, comme une pratique de déconcentration, de décentralisation du pouvoir économique ou politique. Alors le déferlement ou le développement des monnaies complémentaires n'est pas un terme justement de substitution et de tendance à remplacer les devises courantes, mais il est plutôt dans une démarche de prolifération et c'est là tout l'intérêt, c'est une pensée du fédéralisme démocratique. La chose dont on veut, toi aussi tu avais posé la question de l'expansion et de la connexion. Ce n'est pas un terme de je creuse des quotes-parts des échanges qui sont médiatisés par les devises courantes, mais c'est plutôt sur une échelle de démultiplication à niveau territorial et éventuellement de connexion de ce type d'expérience qui voilà puisent leurs racines, si tu veux, dans la tradition du communalisme fédéraliste en Espagne, ou qui, c'est la même manière, tu vois, de brider ou de conserver le pouvoir d'un certain théoricien libertaire, genre comme Bookchin, ou dans le confédéralisme démocratique des Kurdes, ou chez les zapatistes, où il y a d'emblée cette volonté de limitation et après d'articulation entre les différentes expériences. Et le vire, ça marche exactement comme ça en Suisse aussi. Il n'a pas du tout tendance à substituer le franc suisse, mais il représente désormais 1,5% du PIB suisse, et c'est ça sa fonction, c'est-à-dire, mais c'est d'emblée, ça marche comme ça depuis 70 années, tu vois. Et donc voilà, je crois qu'il faut justement se situer entre ces deux esprits. Tandis que pour le Faircoin, qui a une logique totalement déterritorialisée, c'est-à-dire qu'il cherche à connecter que les expériences avec une certaine connotation éthico-politique, non, les coopératives, etc., je crois qu'au final, ça risque d'être vraiment une initiative un peu velléitaire. Tandis que là, c'est l'autre question, justement, c'est que ce n'est pas la monnaie qui crée les processus de production, c'est-à-dire une expérience comme celle du Faircoin pourrait accompagner et acquérir une certaine importance dans le moment où il y a un véritable déferlement de pratiques de production coopérative à l'échelle continentale. Ça pourrait être la monnaie qui va avec, mais ce n'est pas la monnaie qui crée les processus de production et les coopératives ou les chambres de travail, ou je veux dire, sont... En fait, je vois pas très bien en quoi tu contredis quoi que ce soit de ce que j'ai dit. Mais, donc, d'abord, l'exemple que tu cites, c'est l'exemple de rapports et d'échanges qui étaient anciennement des échanges et des rapports marchands et qui sont récupérés aujourd'hui à la suite d'un effondrement de ces rapports marchands pour mettre en place de nouveaux rapports marchands. L'exemple que j'ai cité à la fin de mon exposé concernait des activités, des échanges qui n'étaient pas marchands antérieurement. Tu parles d'échanges monétaires ou de rapports marchands comme s'ils sont quelque chose de monolithique, de granitique. Ben non, il y a une série d'échanges marchands très différents. Il y a une série aussi d'institutions monétaires très différentes. Et c'est... Là, c'est justement, ce n'est pas à surévaluer, à surestimer ou à attribuer une fonction économique ou politique qui n'appartient pas à ce type d'expérience-là, mais de l'autre côté, ce n'est pas de les réduire. Je dis simplement, je pose un certain nombre de limites, comme le titre de l'expérience. Bien sûr. C'est-à-dire, j'accorde tout aux monnaies locales et complémentaires. J'accorde même la réalisation des intentions les plus cachées. Ce n'est pas le problème, ça marche très bien, etc. Les gens s'entendent bien, ils font des activités culturelles, ils vont au restaurant, etc. Ils s'échangent une perceuse contre un arrosoir. Tout ça fonctionne bien, ce n'est pas le problème. La question, c'est, puisque le titre du séminaire en général, c'est « Pratiques utopiques », la question, c'est justement jusqu'où pousser l'utopie. C'est ça, c'est le... Si on développe des tendances, si on développe la sphère de la circulation de ces monnaies alternatives, qu'est-ce qui se passe, voilà? Et donc, c'est un certain nombre d'hypothèses que j'ai avancées sur ce qui se passerait après avoir, et là, je pense que tout le monde est d'accord, après avoir réinscrit ces monnaies complémentaires au sein même d'un système monétaire mondialisé qui s'occupe de 99% des échanges sur la planète, donc qu'il ne faut pas négliger non plus. Non, mais ça, bien sûr. C'est tout. C'est peut-être pas leur vocation, tout simplement. Mais non, mais c'est pas leur vocation, mais nous, on est en train de s'interroger sur, au fond, qu'est-ce que ça signifie, ces expériences, quelle est leur signification, quels sont leurs enjeux, et quels sont leurs développements possibles. C'est tout. Et puis, alors, excuse-moi, et puis... Tu parles de pratiques fédératives, etc., de connexion entre groupements autonomes et autogérés. Bon, d'accord, mais comment est-ce que tu vas concevoir la connexion effective entre ces différents groupements? Conversion à taux d'échange entre monnaies locales. C'est ça que ça, oui. Mais alors, par exemple, je ne vois pas une centralisation. Des petits agriculteurs chinois veulent acheter, je ne sais pas, des pièces de rechange produites justement, mais toi, là justement, et c'est aussi là aussi l'ambiguïté, non? Justement, tu avais fait allusion, moi aussi, dans la thèse aussi, je fais allusion dans un ou deux passages, justement, à cette espèce de néo-féodalisation qui représente ce type de monnaie, avec le risque de figer, comme dans les trois étages du bâtiment de l'économie grodélienne, des distinctions presque en classe très fortes à travers cette stratification des échanges monétaires de types différents. Mais le fait, voilà, c'est que je suis toujours dedans ce processus-là, non, et contre, c'est-à-dire que tu cherches à les travailler de l'intérieur plutôt que à les critiquer de l'extérieur en disant mais de toute façon c'est de la marchandisation, de toute façon. De toute façon c'est de la réification, de toute façon, parce que là ça me semble vraiment une posture un peu je crois pas avoir écrit la moindre occurrence le de toute façon, mais par contre quand je t'entends de plus en plus je me dis que, alors moi c'est la section 1 du livre, mais toi c'est Hayek, parce que Hayek c'est exactement ça qu'il cherchait à mettre en place, c'est-à-dire une prolifération monétaire. Et là, puis, non, mais c'est ça. Le système d'Hayek, c'est ça. C'est chacun, chaque groupement, chaque village, chaque petite ville du fin fond des États-Unis va émettre sa monnaie avec sa petite banque à soi, etc. Et puis, ils vont s'échanger. Et puis, alors, il y aura. Le marché va faire le tri entre ces différentes monnaies. Certaines vont marcher, d'autres non. Le fait est que Hayek, qui est un libertarien, qui est encore plus que toi pour la décentralisation et le fédéralisme, parvenait à la conclusion que la mise en concurrence de ces différentes monnaies parallèles allait nécessairement conduire à une centralisation monétaire du fait même des échanges et de la pratique des échanges entre ces différentes monnaies. Oui, mais il n'était que pour un marché, pas du tout pour un contrôle politique de la monnaie. Bien sûr, mais je veux dire par là, c'est qu'il avait lui aussi des intérêts à maintenir un certain fédéralisme, une certaine décentralisation. Et qui du fait même des connexions qui se mettent en place. C'est un peu différent quand même. C'est un processus de sélection qui va éliminer, comme tu l'as dit, qui va éliminer les mauvaises monnaies, qui va faire qu'on gardera les bonnes et la bonne. Non, moi je crois que la question, c'est la place du politique dans cette affaire. C'est-à-dire, est-ce que on peut penser que dans cette utopie monétaire, les gens vont suffisamment changer, vont suffisamment s'investir en tant que citoyens. Ou alors, on peut penser aussi, et Martin le suggérait, que les coûts de l'organisation, les coûts de l'institution politique de la monnaie sont finalement assez élevés. Anne avait repris un peu ça en disant, finalement c'est tellement compliqué, tellement coûteux en termes de soirée à gérer ce truc-là, etc., qu'on se désinvestit, etc. C'est jusqu'à quel point les gens vont être des citoyens de leur monnaie, en quelque sorte. Ben oui. Et ça, c'est le point fondamental qui pose évidemment toutes sortes de conditions sociales. Alors là, je pense que c'est difficile à trancher. Il faudrait regarder cas par cas, par des études sociologiques très, très, très précises, comment les gens s'investissent, quel plaisir ils y trouvent, quel plaisir qui surmonterait, qui serait supérieur au coût de l'organisation de ces monnaies, au-delà du besoin économique, parce que je crois que dans cette affaire-là il n'y a pas que le besoin économique, l'absence de monnaie ou l'effondrement de l'économie ou l'absence de travail. Tous ces gens qui veulent faire des monnaies complémentaires sont enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est pas des chômeurs, c'est pas... Enfin, je ne sais pas. Non, d'ailleurs, la sociologie, c'est surtout des femmes, plutôt diplômées, plutôt au-dessus de la quarantaine, et qui veulent effectivement se socialiser, sortir de leur foyer, faire en sorte que leurs activités domestiques sortent de la domesticité et donc puissent... Voilà, mais ça c'est très important. Oui. Là, c'est vraiment je crois que quand même de toute façon c'est la manière la plus intéressante de regarder, ce n'est pas le point de vue économiciste, c'est-à-dire où il y a une démarche citoyenne, de mobilisation politique, ou sinon, justement, c'est ce que je disais tout au début, ça reste, et ça va un petit peu dans la direction de ce que disait Laurent, des bons outils d'un réformisme molle, c'est-à-dire de relancement de la petite moyenne entreprise, des pratiques voilà, de déconcentration un petit peu du pouvoir économique ou politique, mais pas plus que ça. Où ça amène, et ça peut entraîner voilà, à des formes un petit peu plus mordantes, plus tranchantes, comme ça a été aussi avec le mouvement altermondialiste en Amérique latine, où il y a eu le premier déferlement de monnaie complémentaire, comme dans une certaine mesure aussi, plus globalement, avec l'associationnisme, les coopératives ou les pratiques alter-économiques en Espagne, avec les Indianos et ensuite Podemos, ou sinon, voilà, ce sont des solutions, voilà, oui, de micro-keynésianisme, c'est-à-dire d'administration publique progressiste, voilà. Mais c'est là-dedans où il faut rester. Je me rattache un petit peu à ta question. Ça peut mettre en forme, où ils peuvent se mettre en place des formes de coalition ou voilà, de partenariat public commun dans la gestion de ce type de monnaie. Par exemple, dans la ville de Bristol, c'est un petit peu comme ça. Ils étaient partis par un mouvement citoyen d'activistes assez radical avec une municipalité progressiste. Et là, ils ont mis en place une forme de partenariat dans l'émission de la gestion de la monnaie qui a une connotation plutôt forte et qui arrive jusqu'à payer 10% du salariat des fonctionnaires de l'administration publique avec une double négociation. Alors là aussi, avec, on dit en français, un rabassement du pouvoir de concertation avec les syndicats locaux et les syndicats nationaux. Donc c'est là qu'il y a tout un foyer voilà, plus politique qui fait l'intérêt de ce type d'expérimentation. Sinon, oui, voilà, il reste quand même intéressant, mais sinon pas ce deuxième côté, ça, c'est un peu plus limité, oui, voilà. Oui, en fait, pour revenir, je me demandais si on ne pouvait pas considérer que, d'une certaine manière, dans ces monnaies locales, plus encore que, enfin, dans certaines de leurs formes, parce que, plus encore qu'une réappropriation démocratique, on a l'expression de formes de solidarité proximale, donc non réductible à des considérations en termes d'intérêt individuel ou d'atomisation. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit bien de faire travailler nos voisins. Puisqu'il faut maintenir dans une collectivité proche l'échange de monnaie. Bon, après, c'est vrai, je suis assez d'accord avec... C'est pour ça qu'on est sur des phénomènes ambigus. C'est vrai qu'au bout du compte, le résultat de tout ça, c'est qu'on peut arriver à monétiser des choses ou à marchandiser des choses qui n'étaient pas auparavant marchandisées. Et du coup, ce qui est l'expression d'une solidarité proximale, en disant qu'on va faire une monnaie qui va faire travailler nos voisins, devient aussi un moyen pour rendre marchand ce qui était au départ des solidarités informelles. Et donc il y a là-dedans une sorte d'ambiguïté structurelle, à mon avis, qui est difficile à dépasser. Et parallèlement, ça, c'est un versant d'une remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis d'autre part, ce qui est assez marrant, c'est vrai, c'est que... et là, j'étais assez d'accord avec en partie avec ton intuition, même si c'est l'idée que quand on l'usage de la monnaie parallèle avec des pratiques marchandes au fond, il en résulte exactement ce que dit. C'est l'expression à la fois, comment dire, ça rend possible et c'est un résultat d'un esprit de justice stricte. Enfin, c'est ce que dit Montesquieu. On n'est plus dans des logiques de dons où on va donner. On va donner gratuitement, quoi, même si c'est avec un espoir de retour. Mais on donne comme signe d'insertion dans une communauté civique, dans une communauté de solidarité. Là, il s'agit bien de ne pas offrir des services, justement, de donner une valeur à des services qui, auparavant, auraient pu être donnés. Et en fait, on pourrait considérer d'une certaine manière que c'est un moyen de généraliser l'esprit capitaliste, avec un esprit, encore une fois, justice stricte. Je ne donne pas, en fait. Je mets ça, et en échange, on me donnera quelque chose de valeur, de valeur égale, enfin. Et là, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a un danger. Alors, c'est là où surgit la solution, enfin, une belle solution, et aussi présent le danger. Et c'est exactement la même ambiguïté que je trouve dans cette idée non lockienne, en fait. On va faire des monnaies fondantes, c'est-à-dire des monnaies qu'on ne peut pas capitaliser. Parce qu'au bout d'un moment, elles vont perdre leur valeur. Et c'est pour lutter contre ce que disait Locke, en fait. Hein. Ce qui permet la capitalisation, c'est au fond le fait que la monnaie est impérissable. On peut l'accumuler à l'infini. Là, elle va perdre de la valeur, on ne peut pas l'accumuler à l'infini. Mais le résultat des cours, c'est qu'évidemment, c'est ce que tu disais, enfin, c'est qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui pousse à la consommation. C'est un mécanisme qui pousse à la consommation. Et en fait, on est toujours confronté à des systèmes intrinsèquement ambigus. Et donc, qui ne peuvent pas être des utopies pures, à mon avis. Moi, je trouve ça très dégrisant, quoi. À la fois, on est grisé par ces nouveaux mécanismes d'expression de solidarité proximale, voire de réappropriation, quand là, d'une façon centralisée, les gens disent, bon, peut-être une heure de travail, on va fixer la valeur d'une heure de travail pour tout le monde. C'est pas du libéralisme, c'est non hayekien, quoi. On va dire, une heure de travail, je sais pas, c'est 200 fleurs, par exemple. Et pour tout le monde, tout type de travaux. Alors là, il y a vraiment un mécanisme de fixation de la valeur démocratique, quoi, non hayekienne. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est pour rendre marchand des choses qui n'étaient pas. Alors, auparavant, je ne sais pas si vous pensez qu'on peut sortir de cette espèce d'ambiguïté structurante ou bien... Je pense que non, qu'on ne peut pas sortir de l'ambiguïté, parce que ça rend structurel de la monnaie, mais de l'autre côté, je pense aussi que ce sont des craintes un peu excessives, parce que ça reste presque d'être anecdotique quand même, la monétarisation de la spontanéité, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, si on prend en considération les selles, de toute façon, il y en a une centaine en France, d'une trentaine de personnes, qui échangent les équivalents de 200 euros par an. C'est rien d'un point de vue économique. C'est ça, c'est que c'est une crainte vraiment que ça me semble un petit peu de... Voilà, qui n'est pas par rapport à la portée effective. Et les monnaies complémentaires, le vire, le sardex, le bristol, les Pays Basques, etc., où il y a des quantités, un volume, une entité d'affaires un petit peu plus grande, mais là, c'était déjà des choses marchandisées. Tout simplement, c'est un type de marchandisation différente. C'est pour ça que je vois bien quel est l'élan critique ou si le bien de... Mais quand on parle de... voilà, là, on donne une forme monétaire à de la spontanéité ou au don. Ça me semble qu'il y a entre le propos de l'énonciation et l'effectivité des phénomènes une disproportion qui n'a pas raison d'être face à une situation de crise, face à une situation d'effondrement des économies, du welfare à laquelle on se retrouve. C'est ça qui m'a un peu gêné dans la dernière demi-page de l'exposé de Laurent. En Argentine, c'était exactement ça qui s'est passé. Je veux dire, il y avait le 40% du PIB qui mais c'est autre chose, hein? Ça, c'est autre chose. Ben, mais c'est comme ça dans la plupart des monnaies. C'est un ordre marchand qui s'effondre, c'est autre chose. Oui, ça n'a rien à voir. Mais les monnaies complémentaires des villes, oui, mais et elles des se régions, substituent à de à l'argent à au, au à peso l'argent, au à peso l'argent tel qu'il est se substitue, oui, pas à la spontanéité ou au non parce que ça c'est la on parle de deux choses différentes, justement la confiture avec le cours d'anglais et avec le cours d'informatique. Bah, au bout de compte, ce type d'échange là comme dans les selles, c'est presque il n'a aucun point et c'est ce que j'ai dit tout au début, l'intérêt des selles, ce n'est pas qu'ils sont aussi les formes les plus utopiques, mais aussi les plus idéalistes, les plus problématiques, selon moi. Ce n'est pas du tout du point de vue économique, parce que ça ne compte rien économiquement. Parce qu'il y a vraiment une centaine, combien il y a en France de sel ? Plusieurs centaines. Il y a plusieurs centaines, oui. Avec une cinquantaine de personnes, et qu'ils échangent quoi ? 200 euros par an, 300 euros par an, toi, c'est rien. C'est rien. Tandis que là où ils pénètrent, et là où ils prennent part de voilà, ils ont ce rôle de pénétration et de substitution avec les devises courantes, c'est dans les expériences urbaines, dans les expériences régionales, et là il n'y a pas ce degré de substitution dans monnaie, il y a tout simplement la substitution monnaie courante, monnaie locale, avec tous les portées, les rechutes. Selon moi, voilà, en très grande partie positive. Mais là, voilà, il y a... Il faut le voir sociologiquement, il faut le voir avec l'enquête, il faut le voir sur le terrain. Et voilà, un peu. Mais il y a, tu sais, il y a des milliers de façons d'organiser la coopération sociale, et le fait que ce soit celle-là qui soit choisie n'est pas innocent, c'est tout. Ah non, non, non. Mais ça vient... Je veux dire, on peut sortir de la crise de plein de manières différentes. Le sauf fait est que c'est comme ça qu'on en sort, ouais, ou qu'on s'accontente d'en sortir. Sauf et qu'on ne le fait pas, et on le fait de cette manière. Et c'est ce que je dis, donc, tout simplement. C'est pas le « on pourrait faire comme ça ». Politiquement, on ne raisonne pas. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on fasse comme ça. Il se passe des choses. Non, mais de fait, c'est comme ça que ça s'organise. C'est la monnaie qui constitue le lien social. C'est comme ça qu'on a dit que la société... et que les gens pleins de bonnes intentions ont décidé de renforcer leur coopération, voire de se substituer à une organisation défaillante. Peut-être, les seules expériences qui... peut-être parce que c'est pas si utopique que ça, de cette manière. Les seules expériences de... Non, mais je veux dire, il faut prendre au sérieux le fait que ce soit comme ça qu'on... Oui. Et donc il y a des effets de subjectivation qui sont pas à prendre, même si ça concerne qu'une très petite partie. Que c'est quand même, il y a des effets de subjectivation qui sont inhérents à ces initiatives-là, tu vois. Et que... La chose qui m'intéresserait aussi d'aller voir plus proche, c'est fin 19e, début 20e, hein, l'époque d'or des coopératives, pourquoi il n'y avait pas de forme de monnaie complémentaire Pendant la guerre d'Espagne, les ouvriers. Mais là aussi, dans les ouvriers de bas. Dans les deux années rouges. Ils ont fait une monnaie locale. Ouais. Dans les deux années rouges de Turin aussi, entre 19 et 21, il y en avait, mais ça me semble que là, il y avait quand même une présence très étendue des coopératives à laquelle ça ne correspondait pas une présence de la même portée des expérimentations monétaires. Et ça serait intéressant d'aller creuser un petit peu plus proche et d'y comprendre. Ça, oui. Il y avait une question de Muriel d'abord et d'Anne. En tout cas, ce que je voulais juste dire, c'est que malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est que vous êtes en désaccord sur la question de la subjectivation, parce que, David, il y avait aussi des éléments qui portaient sur la subjectivation dans ton exposé, où tu disais que, en réalité, hein, tu me corrigeras peut-être après la réponse aux questions, parce que sinon on va y passer trop de temps, mais en réalité, toute forme d'institution d'une monnaie complémentaire participait d'une forme de subjectivation politique. Et après, il y a une autre question qui est liée à celle-ci, qui est importante, qui est celle du rapport entre cette forme de subjectivation et d'autres éléments de politisation connexes. Parce qu'il y a la question de savoir si l'expérience d'une monnaie, d'institution d'une monnaie complémentaire en elle-même produit de la subjectivation, ou dans d'autres contextes dont tu parlais, si c'est la connexion avec des conflits existants ou d'autres formes qui, justement, donnait une autre dimension d'envergure à la question de la subjectivation de cette monnaie. Il y a des conflits, il y a une lutte qui existe déjà et qui permet de développer une expérience peut-être plus radicale d'usage de ces monnaies. En fait, moi j'avais une question sur les selles, parce que j'ai pratiqué un peu la même expérience que le sel de Nancy, donc le sel de l'Argence en Provence verte. Et avec des discussions interminables, etc. Et j'aime beaucoup, je trouve très juste la notion d'opportuniste historique et de militant de passage. Et je me demandais si les selles qui fonctionnent, en fait, ne sont pas justement plutôt... j'en connais pas, parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Hein. Est-ce que ceux-là sont plutôt soutenus justement par une dimension politique? Parce qu'on voit bien dans les selles, effectivement, l'opportuniste historique qui demande beaucoup... C'est aussi, on le voit dans le catalogue, hein, des gens qui demandent des massages, des gens qui demandent de l'amitié, une marche, etc. Donc là, ça va dans le sens de, effectivement, la monétisation de services qui ne l'étaient pas auparavant et le fait de vouloir créer des solidarités locales qui existaient auparavant dans les zones hors zone urbaine et puis qui donc sont les gens essaient de les reconstituer par ça. Et effectivement, on voit beaucoup de militants de passage qui passent et il y a un gros turnover au niveau des militants puisqu'ils arrivent. La théorie est tellement juste et on est effectivement impressionné par la valorisation du travail qui apparaît à travers le catalogue. Et après, on se rend compte que ça fonctionne à vide. Alors, est-ce que ça fonctionne à vide parce qu'il n'y a pas de soutien politique? Est-ce que ça fonctionne à vide aussi parce que les gens n'ont pas, n'y trouvent pas un intérêt suffisant? Parce que David parlait de critères de nécessité. Est-ce que justement, c'est aussi qu'on peut peut-être trouver ces services-là ailleurs quand on est militant? Donc, on n'a pas besoin de les trouver dans le sel. Donc, je trouve que c'est très juste, les deux figures, mais on pourrait beaucoup les enrichir. Et peut-être que c'est la coexistence des deux figures qui fait que ça ne fonctionne pas, et que s'il y avait peut-être justement les figures militantes qui ne prenaient pas, ça fonctionnerait mieux, mais je ne sais pas parce que je ne connais pas celles. Ah, les celles qui marchent le mieux sont effectivement ceux qui sont plus militants. Après, je crois qu'il y a un phénomène propre à tous les celles, en tout cas au début de leur existence, c'est que les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas. Justement parce qu'aujourd'hui, il y a certaines valeurs d'échange, enfin, du partage humain qui a disparu, sans doute désenchanté par la monnaie. Et du coup, les gens n'osent pas. Ils adhèrent parce que vraiment certains, j'ai coché la case, je suis dans un sel en tant que militant. Mais après, il faut faire la démarche d'appeler quelqu'un, le solliciter pour tel ou tel service ou tel bien. On n'ose pas, ça prend du temps et c'est pas perçu comme quelque chose qui puisse remplacer. L'accès à d'autres, à des services et des biens, c'est hors économie. Et d'ailleurs, dans la parole des militants, c'est souvent ça qui ressort. Ils considèrent qu'ils sont pas dans l'économie, qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'en fait, il y a de l'argent. Hein. Enfin, c'est pas du vrai argent, mais voilà. Alors je pense que les celles qui fonctionnent le mieux sont ceux où vraiment il y a plus de militants. Mais je crois que c'est pas une prophétie autoréalisatrice, mais disons que plus va y avoir d'échanges, plus va y avoir d'échanges, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment, il faut se décider, quoi, il faut se lancer. Et quand tu es dans un environnement avec des opportunistes historiques, tu n'es pas poussé à l'échange. Voilà, c'est tout. Je peux pas en dire plus, il faudrait que j'aille voir d'autres celles et j'ai pas pu encore le faire. Mais effectivement, c'est une question intéressante. Mais pour aller dans ce sens-là, sur la démonétisation, moi, dans le CEL, dans le catalogue, j'ai proposé des cours de philo, bien sûr, et donc c'était dans le sens de la démonétisation, et au moment du bac, évidemment, il y a beaucoup de gens qui appellent, là. Mais après, c'est difficile, pour ces gens-là, d'accepter de ne pas payer le service et de le rendre équivalent. C'est vraiment difficile. Mmh. En tout cas, moi, ce que je voulais dire sur cette histoire de monétisation d'échanges humains qui n'étaient pas monétisés avant, est-ce qu'il ne faut pas voir ça comme un processus un peu plus long et se dire que voilà, la rationalisation des rapports humains a eu lieu en partie à cause de l'argent? Et qu'aujourd'hui, pour retrouver des valeurs extra-rationnelles, naturellement, on a envie de se servir de l'argent, parce que c'est justement lui le coupable. Voilà. D'accord. On verra. Bah, on verra, voilà. Peut-être que dans 30 ans, on va se dire qu'effectivement, il ne fallait pas faire comme ça, mais que naturellement, c'est peut-être ce désenchantement dont on est tous victimes à cause de nos rapports marchands, qui fait que inconsciemment, peut-être, on se dit que c'est par l'argent, c'est avec l'argent qu'il faut agir pour changer ça. Voilà. Bon, j'irai pas jusque-là, mais moi, là où je partage un peu ton point de vue, c'est que l'argent, il l'a toujours été, est un mode de socialisation des individus, des groupes, des peuples, mais avec des effets très ambivalents, très contradictoires, dont l'histoire de ces 3-4 derniers siècles l'illustre clairement. Donc la manière dont moi je me suis interrogé sur la reprise dans d'autres conditions de ce phénomène monétaire dans les poches d'une société qui est entièrement dominée par l'argent, c'est justement dans quelle mesure elles ne reconduisent pas ces expériences pour autant qu'elles se développent. Aux caractéristiques même de la monnaie telle qu'elle s'est développée depuis 4-5 siècles. Qu'il n'y a pas des caractéristiques inhérentes à la monnaie en tant que monnaie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son institution, qui font que les rapports qui s'instituent présentent ou sont condamnés à présenter cette même ambivalence. La monnaie est toujours prise dans son ensemble de relations sociales. Oui, mais dans toutes tes interventions, tu me donnes le sentiment que seule la monnaie est capable de socialiser. Non, mais Et donc, je me dis aujourd'hui, tu vois, on est en présence de moyens à la fois humains, technologiques, qui rendent possible des formes de coopération extrêmement diverses. Oui, ça reste le fait que j'ai vraiment du mal à envisager de manière même très, très, très floue qu'est-ce que ça pourrait être une société hautement différenciée, hautement complexe sans la médiation du monde. Ça j'ai vraiment du mal. Et même d'une manière tout simplement à mettre en place des pistes de recherche, de pratique. Ça me semble, oui. S'il n'y a pas d'autres... Moi, il y a encore une question, je crois, d'Anne de Rugy. Mais moi, j'aimerais dire deux choses. La première à Laurent, c'est que tu parles de la monnaie... sur ces 3-4 derniers siècles, étaient caractéristiques à l'intérieur de la socialisation. Donc, tu parles de la monnaie capitaliste. Or, les échanges dont on parle ne sont pas... Oui, enfin, je parle de la monnaie qui s'est développée avec le marché mondial, qui est un marché mondial à la fois capitaliste et non capitaliste, parce que pendant très longtemps, les échanges intercontinentaux étaient des échanges entre des organisations capitalistes et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Donc c'est plutôt la monnaie dans sa fonction vraiment les plus circulatoires, disons. D'accord. Donc bon, c'est... Mais bon, j'aurais pu parler des Phéniciens aussi. Hein, c'est un peu le débat. J'ai une tendance à dire qu'il y a une essence aliénante de la monnaie dans sa dimension circulatoire en général. Dans la mesure où la monnaie est l'objectif d'un rapport social... Et elle est une chose appropriable, et donc elle contient l'ambivalence même de la production marchande, et spécialement de la production marchande capitaliste, à savoir quelle est une propriété, enfin quelle est une forme de production privée fondée sur une socialisation de moyens humains et non humains. Qu'elle est à la fois une production sociale et en même temps une production destinée à l'accumulation privée, à la richesse privée, à l'enrichissement privé. La monnaie, elle a cette ambivalence par elle-même, dans la mesure où... Alors, effectivement, les celles qui consistent à simplement réduire la monnaie à une pure unité de compte, à un bulletin, au fond, mais là en réalité, j'appelle même plus ça de la monnaie. Parce que, oui, alors à ce moment-là... la planification soviétique aussi s'appuyait sur une monnaie purement formelle, une unité de compte qui permettait d'allouer les ressources de manière optimale, tu vois. Ça, c'est pas de la monnaie. D'accord. C'est autre chose. Enfin, c'est autre chose à dire. C'est une pure comptabilisation. Ça reste la fonction primaire de la monnaie, celle d'unité de compte. Enfin, la monnaie, c'est trois fonctions. C'est l'unité de trois fonctions. C'est une unité de compte, moyen d'échange, réserve de valeur. La monnaie, dans son développement complet, c'est l'unité 3. Tu autonomises, ou tu extrais, disons, de ces trois fonctions la pure unité de compte. J'ai du mal aussi avec l'adjectif que tu choisis, complet. Non, c'est capitaliste, c'est pas complet. C'est la réalisation de la monnaie capitaliste, ce que tu dis complet, que ça semble abouti, que ça semble accompli. Pourquoi tu dis complet ? Au sens où la thésaurisation, c'est pas forcément l'utilisation capitaliste de la monnaie, mais c'est quand même la monnaie comme une réserve de valeur. Donc, oui, mais alors une monnaie locale n'est pas une monnaie, si elle est fondante. Alors là, elle est effectivement... La monnaie locale, c'est une monnaie unité de compte et moyen de circulation, et qui est effectivement dédiée à se maintenir dans ces deux fonctions-là. Mais précisément, le début de mon exposé visait à montrer que, à l'intérieur de la circulation capitaliste, il y a des actes, des moments de la circulation où la monnaie ne joue précisément que ces fonctions-là. Parce que dans la charte des Seines aussi, enfin la charte des Seines, c'est l'interdiction de thésaurisation. on est obligé. Moi, je dirais. Enfin, c'est même plus que ça, c'est qu'il n'y a pas de substance même, de substance monétaire. Quoi. C'est quand même l'idée d'avoir une monnaie, parce que c'est l'idée de pouvoir faire un don et un contre-don en annulant des dimensions de compétences qui pourraient être considérées comme plus chères ou moins chères. Donc c'est quand même une monnaie quand ça te permet de faire des échanges multilatérales. Et puis c'est pas, en fait, ça pousse pas. Pierre Crétat disait ça pousse à la consommation. Non, c'est pas ça. Le but des chartes qui empêchent la tétorisation, c'est de pousser non pas à la consommation, mais à l'échange. Et donc justement, un échange qui n'est pas consommateur, qui est un échange nécessaire entre des personnes qui s'associent localement. Donc c'est ça aussi. La monnaie, dans ce cas-là, elle pousse à l'échange et elle a une fonction presque inverse de d'habitude. Mais tu as utilisé le terme « s'associer localement ». Tu as tout dit, à savoir que dès lors que la production à une échelle micro-locale est organisée de manière associée, socialisée, bon, ben là, la monnaie, dans ses fonctions traditionnelles, perd sa raison d'être. Et effectivement, là, les producteurs associés se mettre d'accord pour déterminer une unité de compte qui va permettre de répartir les biens, les activités entre les gens. Mais encore une fois, j'estime que là, ce n'est plus de la monnaie. La question, c'est définitionnelle. Qu'est-ce que monnaie ? Qu'est-ce qu'une monnaie ? Qu'est-ce qu'une monnaie capitaliste ? C'est bien l'intérêt, justement. L'intérêt d'une alternative, c'est bien de corrompre la définition capitaliste. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la réforme monétaire, elle accompagne une autre réforme beaucoup plus profonde, qui est celle de la manière même dont tu organises. Oui, c'est ça. Oui, mais donc, là, on n'est plus dans des questions monétaires. Il y a une socialisation préalable. Exactement. À la réorganisation de la monnaie, alors que, voilà, David, enfin, on peut penser aussi que la socialisation peut se faire par l'intermédiaire de la monnaie. Exactement. Mais la deuxième remarque que je voulais faire, et qui peut-être met un éclairage un peu différent, et je pense que c'est important dans... Bon, après, évidemment, ça va dépendre aussi des cas qu'on va étudier, mais il faut tenir aussi compte du fait que certaines expériences alternatives aujourd'hui associent des échanges monétaires avec des échanges non monétaires. Enfin, il y a des expériences aujourd'hui dans des alternatives qui ont donné lieu à un redéveloppement d'échanges strictement non marchands, relevant par exemple du troc ou autre. Et ça, je pense qu'il faut l'associer à notre, l'associer à notre réflexion pour aussi voir qu'il n'y a pas que de la... de la resocialisation par de la monétisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai juste une remarque. En fait, c'est plutôt... Parce que je ne pense pas que les selles soient réellement un nouveau processus, enfin, un processus de marchandisation de quelque chose qui n'était pas. Je pense que c'est plutôt... un accès à l'échange de personnes qui n'avaient pas accès au marché, qui justement n'avaient pas accès à la monnaie, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Et puis de l'autre côté, une démarchandisation plutôt, c'est-à-dire que des services qui étaient marchands deviennent non marchands, parce que des fleurs, bon, ça reste quand même assez éloigné du marché tel qu'on peut l'imaginer. Donc il me semble qu'il y a plutôt cette utopie au départ qui est une démarchandisation. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être plutôt au niveau des subjectivités, puisque dans l'utopie, il y a une forme d'idée de construire une subjectivité nouvelle. Il n'y a pas des paradoxes, et que ces paradoxes soient par exemple le fait de voir dans le sel, dans un système qui est plutôt démarchandisé, s'insinuer des comportements qui seraient du type de l'individu calculateur ou de l'individu accumulateur, même si au fond ça sert à rien à la fin. C'est-à-dire comment et je pense que je connais pas du tout les autres, enfin sinon comme ça de culture générale, je veux dire, je connais vraiment pas du tout les autres systèmes monétaires. Mais dans ces utopies-là, il y a toujours à un moment donné, enfin je pense que toutes les utopies à un moment donné butent sur des contradictions aussi subjectives d'individus qui sont à la fois portés par une forme d'engagement politique qui serait là de sortir du marché ou de sortir du système dominant, et puis de l'autre côté des difficultés qui peuvent se manifester comme le maintien d'une subjectivité je dirais pas capitaliste, mais bon, ici peut-être calculatoire, je sais pas comment le dire. Et ça veut pas forcément dire, je pense, que c'est un échec. Enfin, ça veut pas forcément dire que c'est voué nécessairement à l'échec et que finalement l'individu est naturellement calculatoire. Non, ça veut pas dire ça, non. Justement, je pense que même qu'il faut donner des vertus éducatives à ce genre d'expérience. Mais que c'est pour ça que c'est une utopie, hein, c'est que c'est pas facile à réaliser. Hein. Et juste la première crise financière répertoriée dans l'histoire, c'est une crise de la tulipe aux Pays-Bas. Mais il y avait un atelier dans le forum, il y avait un atelier sur le nom de la monnaie. Donc ça veut dire qu'il y en a qui voulaient changer le nom peut-être parce qu'ils avaient ça en tête. La tulipe. On s'arrête là s'il n'y a pas d'autres questions. Donc le 7 mars,